Rock et Monstre avec Aude. Ici même sur Cifou 89 FM, Mathieu Plante et Tania Baudin en direct des studios de Cifou à Trois-Rivières en ce moment. Ton matin. Bonjour à toi. On a eu une petite panne de courant il y a quelques instants, juste avant le début de l'émission. Mais oui, tout juste en rentrant en studio comme ça, le bing bang boom. Et à Cifou, ça prend pas grand-chose pour nous mettre à terre. T'sais. C'est ça. Frappe pas quelqu'un à terre, ben c'est ce qui se passe des fois par la nature. Ce qui fait que tout a redémarré, donc il faut tout repartir à la station quand ça arrive. On n'est pas protégé du tout. Non, exactement. Donc, on va faire ça. Oui. Puis, on vous revient dans quelques instants. On va vous tenir au courant si jamais ça prend plus de temps que prévu, mais au moins, on est là. On vous le dit. On est super transparent et on écoute Xavier Caffeine. Voici 1, 2, 3, 4. Ça, c'est fou. 89.fm. Je suis un agent de la peur. Je suis alerte rouge. Je suis le téléviseur. Je suis le fils de Bush. Je suis un ordinateur. Un virus à la con. Je suis manipulateur. Je vis dans la maison. Je suis une embolie, je suis administrateur, je me fais des amis. Je suis un petit moteur, bois de la gasoline. Je suis un petit chanteur à Star Academy. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je suis un aviateur de la 14-18. Et les sourires, les avions à réacteur, les pays d'Arabie, le danger par les couleurs et les grippes d'Asie, les maladies du cœur et la cigarette aussi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je suis un petit chanteur à Star Academy. Que ça tourne carré l'émission ce matin, mais on va commencer quand même. Okay? T'es prête? Oui. On y va. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Dominique de Mavungu fera le tour de l'actualité africaine dans Voix d'Afrique. Et Marc-Olivier Dumas fera le tour du chapeau dans sa chronique Sport et Filoché. Assemblage requis commence quand? Maintenant. Maintenant. Tout de suite. Lol. Ouais. Lol. Assemblage requis. Toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Toi aujourd'hui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis en ce mardi 7 novembre 2017. On est à 171 jours de la fin de l'année scolaire et je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Si vous n'étiez pas au courant, c'est situé sur le campus de l'université, là où tout vient d'arrêter encore une fois. Là où le courant passe pas nécessairement tout le temps correctement. Exactement. Et étant donné qu'on a une radio très très bien équipée en termes d'équipement, ben il faut qu'on reparte tout ça à zéro à chaque fois que ça... Il n'y a aucun filet derrière cette radio-là. Hein? Non, pas pour le moment. Ça tient pas grand chose. C'est ça, exactement. Donc, on est là, nous autres. Oui, tout à fait. Ça peut dire qu'on peut animer, on s'est porté, héroïque et ce matin. On est premier arrivé, on n'a pas le choix. C'est nous qui devons repartir ça. Des fois, ça prend un petit peu de temps à repartir ça. Hein? C'est ça. Donc, premièrement, on tient à vous remercier de votre attente. Merci, oui. Si vous avez attendu. Votre écoute est très importante pour nous. Exactement. Voilà. Mais une fois qu'on a commencé, d'après moi, à moins de preuves du contraire, parce que le courant peut lâcher n'importe oui, c'est quand, ça. Quand, comme on sait. Il faut juste faire attention. Là. On vit vraiment sur le qui-vive. Oui, hein? Tout à fait. Donc, aujourd'hui, si tout va bien, à 8h30, Dominique Notnot Mavungu va être avec nous pour parler de nouvelles actualités africaines. Okay, on parle de sport, on parle de nourriture, d'Instagram, de musique. Bon, ça, c'est à 8h30. À 9h30, nouvelle heure pour Marc-Olivier Dumas, qui va être avec nous en fin d'émission dorénavant, parce qu'il n'y a pas de cours le mardi. Hein? Non, exact. apparemment, ça a changé. Ça a changé. Donc, à 9h30, on va l'accueillir avec plaisir pour parler de sport, que ce soit universitaire, locaux, provinciaux, nationaux, ou peu importe. Donc, Marc-Olivier Dumas à 9h30. Entre tout ça, éventuellement, tu vas nous faire ta chronique Tania Esgolin-Tutinia. Qu'est-ce qui s'en vient? Eh bien, on a eu un remaniement quasi-ministériel un petit peu partout dans les municipalités hier. Mm-hmm. Non, avant-hier, exactement. Et bon, j'ai quelques idées pour vous si jamais ça vous tente de changer d'emploi ou si vous essayez de vous en trouver un. Je vais vous guider par rapport à tout ça ce matin. Vous allez voir, ça va être très, très simple. Mais que t'es fine. Ça fait plaisir. Tu penses à nous? Oui, je pense surtout à moi. Non, bon. Ça me surprend pas vraiment, mais quand même, hein, on s'assume là-dedans. C'est une blague. Ah ouais. Donc, t'as une blague. Est-ce qu'on vers le milieu, vers la fin de l'émission? Exactement. Bref, autour de tout ça, des chroniques encore plus maison que la tienne. Donc, on va faire du après le crime aujourd'hui. Mm-hmm. Mm-hmm. Et on va commencer avec son foutu palmarès si éventuellement l'émission commence. Mm-hmm. Ça serait bien. Ce serait pas pire. Mais avant ça, on va commencer avec de la musique francophone comme on le fait pas mal toujours en début d'émission. Hein. C'est ce qu'on préfère faire. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu la pièce ici même à Assemblage Requis de Nicolet. Oui. On a entendu au palmarès, c'est fou, mais tu pas à Assemblage Requis. De la mystification. Exactement. On s'écoute ça, puis après ça, son foutu palmarès sur C'est fou. 89 FM. Oh oui. Radio Brousse. We'll be right back. bricolait. Et la mystification. On comprend pas des fois comment les choses fonctionnent, mais faut faire avec. Exactement. Toujours à Assemblage Requis, et la première chronique de l'émission, c'est souvent son foutu palmarès. Qu'on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Aujourd'hui, Tania, ça va être déçu d'apprendre que j'ai pas vraiment de thématique. Ah oui? Non, mais par contre, j'ai des listes très intéressantes. Mais mon Dieu, ça me surprend quand même, pas de thématique, Mathieu. Oui, je fais ça des fois. Oui. Je varie. Elle change mal de place. Oui, c'est ça, exactement. Et aujourd'hui, on commence avec une liste sur un de nos commerces préférés, mais défunt. Je parle de Target. Ah, je sais. Défunt Target! On en parle à tous les jours, on dirait, depuis que c'est parti. Je sais pas quels référents nous font parler de Target. La télévision. Peut-être. Starbucks. Oui. Sinon, des fois, la fermeture de Sears. Tout nous rappelle Target. Exactement. C'est triste à Trois-Rivières. Bref, aux États-Unis encore, 1800 magasins Target au pays. Ils ont une réputation comme un genre de Walmart un petit peu plus luxueux. Hein? Mm-hmm. C'est devenu la deuxième plus grande chaîne de magasins à grande surface en Amérique du Nord. Ils promettent des endroits très spacieux et propres. Hein? Et oui. Ça suffit sur la couleur rouge pour se démarquer des magasins à rabais. Donc, évidemment, il y a un petit peu de controverse autour de ça. Il y a toujours quelque chose par rapport au grand public qui font que les compagnies font parler d'elles. Donc, on va faire un petit tour de tout ça. Commençons avec le fait que l'entreprise Target a commencé à démarrer avec un feu dans une église. Ah, OK, je savais pas ça. Au début du siècle, le développeur immobilier George Dayton a réussi à trouver... des souhaits, Tania. Merci. A réussi à trouver une opportunité à l'intérieur du pas du brasier, qu'on pourrait dire, des cendres. Oui, voilà. le brasier. C'est ça, ouais. Donc, d'une propriété à Minneapolis, dans le Minnesota, qui avait été l'endroit où était située la Westminster Presbyterian Church. Lorsque l'église a brûlé en 1895, il a réussi à utiliser ce sol, ce terrain-là, pour construire une bâtisse commerciale à 6 étages. Oh, d'accord. Ouais, et donc il pensait qu'il y avait besoin d'un magasin principal dans ce genre de centre d'achat-là. Et Dayton a réussi à convaincre Goodfellow's Dry Goods à se relocaliser là-bas. Et ça a mené la famille à démarrer la chaîne Arabais Target en 1961. Ensuite... Target, comme bien sûr plusieurs l'appellent aux États-Unis, Target était quelque chose qui existait même dans les années 60. Donc, prononcer ça, Target, comme si c'était une boutique française, ça fait plus longtemps qu'on le pense. Douglas Dayton, qui a hérité de l'entreprise Dayton avec ses frères, se rappelle que les gens faisaient cette blague-là dès l'ouverture de la succursale de Minneapolis en 1962. Donc, tout le monde appelait ça Target. Donc, ça me surprend qu'au Québec, on n'est pas, ou au Canada même, francophone, on l'a pas appelé comme ça. On n'est pas appelé Target, ça aurait été vraiment une opportunité peut-être qui aurait fait que ça bien fonctionné, je sais pas. Des fois, ça prend pas grand-chose. Non, exactement. Ensuite, les grosses boules rouges à l'extérieur. Oui. Tu te souviens des grosses boules rouges, à Trois-Rivières, bien longtemps après la fermeture du Target. On les a eues, ces grosses boules rouges-là. Éventuellement, lorsque le Home Depot a ouvert, ils ont décidé de l'enlever. Mais encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup de rouge à la porte d'entrée de Target. Ils ont toujours pas peinturé ça, ce qui me surprend vraiment énormément. Je pense en fait qu'ils attendent tout simplement d'avoir un nouveau commerce à mettre là. Je comprends, mais la peinture noire, ça coûte pas super cher, mettons. Ouais, peut-être. Ou de la couleur du Home Depot, apparemment, pour faire un genre d'extension. Mm-hmm. Tu sais, le local est vide, ça, je le comprends. Même quand tu vas à l'intérieur des rivières... C'est vide. C'est vide, tu le vois, que c'est l'ancien Target. C'est laid. C'est un peu laid. Il pourrait... D'habitude, c'est bizarre parce qu'ils couvrent les fenêtres tout le temps. Ils couvrent tout le temps les locaux qui sont utilisés. Il n'y a absolument rien de couvert présentement. Tu sais, l'ancien magasin, l'ancien restaurant asiatique, là, oui. Ils l'ont couvert très, très, très rapidement après la fermeture. C'est comme s'il n'y avait plus rien là, alors que pourtant, c'est encore un local à l'intérieur. Je comprends pas des fois comment ça fonctionne, mais bon. Bref, on parlait des grosses boules rouges chez Target qui sont là pour votre sécurité. Ah, OK, tu vois, je savais pas. Donc, devant plusieurs Target, il y a une grosse boule de ciment. On appelle ça des bollards, B-O-L-L-A-R-D-S. Donc, ça évidemment, c'est un très bel ajout devant, étant donné que c'est rouge, c'est une grosse boule. Mais ça sert aussi à ce que les voitures ne foncent pas dans les portes du magasin et foncent sur les magasineux. Ah, Bon, tu vois, c'est une bonne idée. Ouais, inspiré par ses bolards, un couple marié est allé sur Instagram et sur Facebook pour porter des pour poster des photos d'eux en train d'interagir avec les grosses boules rouges pendant 365 jours de suite. Tu sais, des fois, quand t'as du temps à perdre... Hey, c'est ça que je voulais dire, hein? T'as vraiment rien à faire pendant 365 jours pour faire ça. Exactement. La compagnie Target a déjà ajouté du tissu par-dessus les balles pour les boules pour faire des ballons de plage en 2007. Aïe. Mais là, ça a créé la controverse parce que les gens disaient que les enfants allaient botter les ballons de plage son tensement qu'elle allait se casser un pied. Ouais. Hein? C'est pas faux. Mais pour réussir à botter les grosses boules rouges au magasin, faut que t'aies quand même une bonne portée du pied. J'avoue. Mais dans sur un bloc de ciment, si tu te fesses le pied dedans, tu vas te faire mal avant d'envoyer la boule très très loin. C'est vrai. Ensuite, les magasineux ont été évacués d'un magasin étant donné une urgence par rapport à la porno. OK. C'est le magasin de San Luis Obispo qui a dû se vider complètement de ses clients et de son équipe en juillet dernier. C'est bien en juillet dernier, en tout cas un mois de juillet, peu importe. Après qu'un petit voyou ait réussi à prendre le système d'annonce publique, donc le système de son dans lequel tu peux parler aux employés, et il a passé des bruits pornographiques sur les haut-parleurs. Le journal SLO Tribune dit que les gérants du magasin ont réussi à éteindre cette trame sonore-là juste après l'évacuation. Donc ils ont sorti tout le monde du magasin. Pour éteindre le système et ramener les gens à l'intérieur, juste pour pas qu'il y ait à entendre les bruits. Ben ouais. Mais tu vois, chez Target, d'habitude, il n'y a pas de musique. Ça, c'est... Non, c'est vrai. C'est ça paraît encore plus. Ah, bref. Ils sont au courant si t'es enceinte, même si ta famille n'est pas au courant. OK. On parle encore de Target. Ouais. Ouais, un employé de la compagnie a dit au New York Times Magazine en 2012 que les analyses, les données donc obtenues des clients pouvaient être classées pour savoir si un client est si une cliente est enceinte. Donc, en utilisant les dossiers de transaction, le magasinage qu'on fait au deuxième trimestre, là, comme des lotions sans parfum, des suppléments comme le calcium et le zinc. Donc, c'est assez facile étant donné que les futures mères doivent acheter certains produits et les classer dans la catégorie femme enceinte. La compagnie peut même faire un estimé à savoir quand la personne va accoucher et leur envoyer en fait des coupons pour ses besoins-là. Mais tu sais, si tu regardes ça comme ça, t'as peut-être juste un manque en calcium, un manque en zinc, puis peut-être que le parfum des lotions, ça te lève le cœur. Peut-être une irritation, on sait pas. T'es pas obligé d'être enceinte. C'est sûr que bon, si avec tout ça, t'as acheté trois tests pour pouvoir savoir si t'es enceinte, il y a de fortes chances qu'ils puissent savoir si tu l'es. Ben, ça se peut que oui, qu'une femme ait tous ces symptômes-là en même temps, mais c'est peut-être genre 1% genre. Ouais, c'est vrai. Okay. Qui vont pas être enceintes, les 99 autres vont l'être. Donc, tu recevrais des coupons probablement pour ça, puis tu sais pas les utiliser. Ouais, c'est ça. Apparemment que le père de l'adolescente a appelé dans le magasin de Minneapolis pour se plaindre que sa fille recevait des coupons ayant rapport avec les bébés. Et finalement, c'est qu'elle ne savait pas elle-même qu'elle était enceinte, la fille. Hein? Ah ah ah! Surprise! Ok, ça c'est bizarre. Ils vont te permettre, en fait pas toi personnellement, mais ils vont permettre à n'importe qui d'allaiter en magasin. Okay. Si vous aimez pas voir quelqu'un allaiter, premièrement, je veux dire, arriver un petit peu dans le présent, dans les années 2000, là, mais vous devriez peut-être passer à côté du Target à la place d'y entrer. La compagnie a annoncé une politique qui permet aux mères d'allaiter leur bébé n'importe où sur leur territoire. Donc, peu importe la section électronique, jouets, papier, peu importe, la politique, a été vue dans les médias après qu'une mère se soit fait dire, en fait, de se couvrir dans un magasin du Texas. Et il y a eu un nurse-in, un peu comme des sit-ins, mais avec des allaitements dans le magasin. Une manifestation par allaitement, si on veut. Ils aiment réfrigérer les Doritos chez Target. On parle encore de faits sur Target. Donc, en 2014, les gens sont allés sur Internet pour montrer leur confusion par rapport à Target qui gardait les sacs de Doritos dans des réfrigérateurs. Ah, est-ce que c'était une nouvelle façon d'apprécier les tortillas? Ouais, c'est ça. Est-ce que les Doritos, je sais pas, ont une date de péremption qui peut être éloignée si on les met au réfrigérateur? Non, la vérité est pas mal moins sensationnaliste. Donc, on dit qu'ils essayaient de faire la promotion d'une recette pour des walking tacos qui demandaient donc du fromage en copeaux, là, fromage, comment j'appelle ça, râpé, du bœuf et de la crème sure mélangée à l'intérieur de sacs de Doritos. Donc, ils se sont dit, tant qu'à avoir tous les autres produits dans le réfrigérateur, aussi bien avoir les sacs de Doritos dans le réfrigérateur pour pouvoir faire ta propre recette de tacos ambulant, walking tacos. Je sais dans pas si ça enlève du goût, par contre. Je sais pas. Quand j'étais adolescent, jeune adulte, je mettais mes chips au réfrigérateur. J'essaie pas ça, c'est le fun. J'ai arrêté éventuellement. Mais... Pourquoi? Je sais pas, je trouve ça le fun, le petit kick froid. Ah, ok. Ouais, des paroles de la sorte de chips. Ouais, c'est ça, des Lays. Bon, enfin, est-ce que t'intéresserais ça, un sac de Doritos froid avec du bœuf haché, du fromage râpé et de la crème sure dans un sac pour l'amener en mangeant au bureau? Non, pas dans un sac. Ah, ça a l'air bon, hein? Ah. On va dire ça à Marilyn Doyon, la cordoyon bleue de la Chasse-Galerie. Petite recette de Walking Tacos. Exact. Ils ont déjà ouvert 11 magasins dans une seule ville en une seule journée. Non, finalement, ouais. C'est le Café Morgan des États-Unis. Oh, c'est bon ça. Sur le boulevard des Forges. Exactement. Bref, Target a ouvert 11 magasins à Chicago le même jour en mars 1993. C'était un lancement agressif pour déclarer la guerre contre Walmart et Kmart. Chicago, c'est la première fois où les trois se battaient les uns contre les autres dans un marché majeur. Leur pharmacie aux États-Unis, chez Target, leurs pharmacies sont des CVS et leurs pharmacies ne sont pas propriétés de CVS. Target a déjà été responsable pour ses propres prescriptions, mais plus maintenant. La compagnie a annoncé que les pharmacies CVS allaient acheter leur département de médicaments pour environ 2 milliards de dollars et que les endroits allaient devenir des CVS. Donc la compagnie avait besoin d'argent après que l'expansion canadienne est tombée à l'eau. Donc vraiment le fait que le Canada a vraiment pas fonctionné pour Target les a mis un petit peu en manque d'argent. Ouais, dans l'embarras. Dans l'embarras, donc ils ont se sont fait acheter des pharmacies par CVS. Mais nous aussi ça nous a fait de la peine. Vraiment. Ça nous a pris combien de temps avant de revoir un Starbucks? C'est pas encore fait, mais genre... C'est pas encore fait. 2 ans. Et mon deuil n'est même pas encore terminé du Target, je dois le dire. Ouais, moi aussi. Parce qu'il faut comprendre que le Target amenait certaines choses que les pharmacies ici n'ont pas. Que les magasins grande surface ont. Exactement. Des marques différentes. Ouais. Surtout du côté des filles, du côté des produits de beauté. Des choses belles en plus, des choses bien faites. Exactement. Ça a été racheté à certains moments par après, mais ils sont pas tous là, tu sais. Ouais, non. Il y a un manque qui a gagné. Ah, vraiment. Bref, on parle de fait de Target en ce moment. Ils ont aidé à réparer le monument de Washington. C'était en 1997 où la compagnie a donné 1 million de dollars et promis, oui, d'assister le National Park Service pour réparer un monument de Washington qui était dilapidé. La compagnie fait souvent quelques petits gestes chers. Target est allé encore plus loin et a demandé l'aide de Michael Graves pour aider à trouver des idées pour renforcer la structure pendant la restauration. Graves est devenu plus tard le premier designer de grand nom à avoir une ligne de produits à son nom dans les magasins. Mm-hmm. Ensuite, il y a eu une controverse récemment sur le Manatee Gray. C'est quelqu'un qui magasinait sur Target.com qui s'est fait prendre par surprise en voyant une sélection de grandeur pour une robe kimono de Mossimo. C'était en 2013, pas si récemment que ça. Bref, les grandeurs avaient comme étiquette Dark Heather Gray, donc un genre de gris foncé, excepté pour la version qui était pour les personnes un petit peu plus de taille forte, qui, elle, s'appelait Manatee Gray. Le Manatee est un genre d'animal, je sais même pas comment ça s'appelle en français. C'est une espèce de d'animal de mer. Attends un petit peu. Le lamantin. Ah, ça! Ouais. Non, je pense que vous êtes mieux d'aller voir les photos de ce qu'est un manatee sur Internet, ça m'intéresse. Ah, ben, on les voit souvent en dessin animé, je dirais. Un genre de gros beluga. Ouais, mélangé avec autre chose. Avec un hippopotame. En tout cas, bref, un lamantin, j'ai jamais entendu ce mot-là de ma vie, mais tant mieux. Bref, c'est ça. Il y avait juste la grandeur pour les personnes de plus de grande taille qui s'appelait Manatee Gray, donc c'est un petit peu insultant. Target a expliqué que c'était une vraie couleur qu'on trouvait dans une variété de lignes de produits et que la mettre sur une seule grandeur était une erreur de, je sais pas, de quelqu'un qui s'occupait d'entrer les couleurs, je sais pas trop quoi, sur Internet. Bref, c'était une erreur. Ensuite de ça, on va y aller avec la réinvention des paniers de magasinage. Oui, voilà. Donc, certains magasins ont bien sûr des paniers de magasinage en métal, hein, et ça peut vieillir plutôt mal, ça peut même rouiller. Target a décidé que ces paniers allaient être en fait en plastique, et en 2006, la compagnie a demandé à Design Continuum de complètement faire du reverse engineering, donc de faire le contraire. Au lieu de créer un panier, tu prends un panier qui irait bien, puis tu essaies de le reformuler à l'envers. Ah, OK. Bref, pour que ce soit plus confortable à manœuvrer, 15 à 20 livres plus léger qu'un panier de magasinage normal, la version de plastique a moins de chances d'endommager les tablettes ou encore les jambes des gens s'y foncer dedans. C'est pas fou, ça? Donc, une très bonne idée, le reverse engineering. Et pour terminer, le chien de Target vole en première classe. Tu te souviens du chien de Target, la mascotte, le petit chien? Mm-hmm. Tu t'appelles le petit chien? Ben oui. Oui, bon. Donc, en 1999, la mascotte Bullseye était dans toutes les publicités de Target. Et naturellement, ce bull terrier voyage en première classe. En fait, c'est une femelle. Hein? On l'a déjà vu en première classe en avion. Et et un contrat, oui, spécifie le temps qu'elle va pouvoir travailler pendant les apparitions qu'elle fait en public. Et en passant, la cible sur l'œil du chien, c'est un colorant à base végétale. Ah, phew, une chance. Donc, ce n'est pas au chien. C'est pas le fun, ça, c'est le fun. Hein? Voilà pour des faits sur Target. Moi, ça m'a amusé pas mal. On varie complètement de sujet pour passer à notre prochaine liste. C'est des secrets sur les top modèles de mains. Je trouve ça vraiment bizarre comme sujet. Ça m'a intrigué. J'avais pas le choix d'en parler. Donc, les top modèles de main, t'as sûrement vu des magazines ou des publicités de bijoux, de crèmes à main. Oui, tout à fait. Bon, ben, il y a des gens qui sont des modèles de main. J'en doute pas. Ashley Covington en est une. OK. Ashley Covington, une des plus grandes modèles les plus connues dans le monde de l'industrie du top modeling de main. Ses doigts sont apparus dans des publicités pour McDonald's, Huggies, L'Oréal, Nikon, UPS et des centaines d'autres. Elle a été sur des panneaux publicitaires, à la télé, dans des magazines et dans des livres. La plupart des gens ont vu ses mains sans même le savoir. Et ces modèles de mains-là sont en très haute demande. Chaque marque de Revlon à Taco Bell a besoin de quelqu'un pour montrer ses produits avec des ongles et une peau parfaite. Après 13 ans dans l'industrie, Covington aime toujours son travail, mais dit que c'est pas juste d'avoir de belles mains qui est important dans ce métier-là. Donc, c'est mentalfloss.com qui lui a parlé pour avoir quelques petits faits cocasses. Pour commencer, ces top modèles de mains-là sont souvent découverts en public. OK. La plupart des modèles de mains ne vont pas rêver de cette carrière-là dès leur plus tendre enfance. Non, à la place, ça. Ils vont plus tomber dans le métier en se faisant remarquer. Ashley Covington, par exemple, voulait être actrice, mais au début de sa carrière, un agent d'acteur lui a dit d'oublier sa tête et de focusser sur ses mains. Et là, elle se demandait, est-ce que ça devrait, genre, m'offusquer de me faire dire d'oublier ma tête? Ouais, c'est ça. C'est quoi, je suis pas assez belle pour être actrice? Non. Carmen Marufo, qui est agente de membres, parts agent, donc parts comme des mains, des pieds, des trucs comme ça, va des fois arrêter les gens dans la rue ou dans un bureau et va leur demander, est-ce que t'aimerais avoir une carrière en modeling de mains? Et là, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'ils cherchent dans une main? Est-ce que je pourrais moi-même être modèle de main? Il faut avoir de longs doigts, très droits. OK. Il faut avoir le cuticule large pour pouvoir montrer correctement le vernis. Il faut pas avoir les jointures bosselées. Il faut pas avoir trop de lignes ou de cicatrices. En fait, aucune cicatrice, aucune ligne qui serait pas parfaite. Et même la couleur de la peau, la nuance de la couleur de la peau est très importante. Tout ça va dépendre aussi de la catégorie dans laquelle tu aimerais entrer. Les mains féminines avec de plus courts ongles et du vernis. Soit couleur de la même couleur que la peau ou pas de vernis du tout, sont des mains de maman, donc les mom hands, qui sont parfaites pour faire la cuisine, le ménage, montrer des articles de la maison, un balai, un aspirateur, peu importe. Les ongles plus longs sont parfaits pour pour de la mode, par exemple des bijoux, des trucs de mode. Les plus petites mains peuvent être bonnes pour des jouets pour enfants, étant donné que les enfants n'ont pas toujours l'attention pour rester très longtemps sous des lumières chaudes. Donc, à la place, on utilise des mains de madame, mais qui sont plus petites. Mm-hmm. Intéressant quand même. Ensuite, on peut faire beaucoup d'argent en étant un top modèle de main. Okay. Selon Forbes, un top modèle de main peut faire jusqu'à 75 000 $ US par année. Ouh là là! Ouh, aïe, aïe, aïe. Ashley Covington dit qu'elle a fait 13 000 $ pour 2 heures de travail une fois dans sa vie. Donc, être un top modèle de main, hein, c'est très payant. Mais il y a une attrape, nous dit-on. Ah, d'accord. Ouais, étant donné que la plupart des top modèles de main sont des pigistes, le travail qu'ils font chaque mois peut varier, évidemment. Donc, même si 13 000 $ pour une journée de travail, ça a l'air d'être une petite fortune, ça pourrait devoir te durer plusieurs mois pendant que t'as pas de travail. Les top modèles de main se font appeler à la dernière minute, doivent travailler partout au pays et doivent souvent payer leur propre avion. Ashley Covington, donc, sépare son temps entre la côte ouest et la côte est américaine. Elle est déjà allée en Californie en avion 2 fois en une semaine pour un client qui était un petit peu indécis. C'est pour ce genre de moment-là qu'elle se fait un petit sac, un peu comme les femmes enceintes, là, un sac pour emporter qui est toujours près de la porte. Donc, les vols à la dernière minute sont ceux qui sont les plus chers. Donc, encore une fois, ça vient la punir un petit peu. Ils ne boucleront pas le contrat avant peut-être une journée ou deux à l'avance. Donc, c'est pas super lucratif comme les gens pourraient le penser, selon Mme Covington. Ils savent pas toujours ce qu'ils vont modeling, ce qu'ils vont annoncer dans un dans un magazine ou à la télé, peu importe. Donc, ils peuvent des fois devoir prendre la pose avec leurs mains, mais ils ne savent pas nécessairement pourquoi ça va être utilisé. Mm-hmm. Donc, les top modèles de mains ne reçoivent pas toujours beaucoup de détails sur ce qu'ils vont faire. Par exemple, un top modèle pourrait savoir que le client est Baskin-Robbins, disons, pour de la crème glacée, mais apprendre sur le plateau qu'elle va jouer avec des biscuits Oreo. Ah, OK. Plus tard, bon. Kimbra Hickey, dont les mains sont sur la couverture du livre Twilight. C'est intéressant. Mm-hmm. Elle savait pas qu'elle prenait des photos pour ce petit roman pour adolescente. Elle avait aucune idée que le livre allait devenir un énorme succès. Et depuis ce temps-là, ben, elle a essayé de capturer la célébrité en faisant la tournée en même temps que la distribution du film, en recréant la couverture du livre en public, je te le promets, et en vendant de la lotion à odeur de pomme. Tu sais, là, genre, et juste les mains sur le livre. Oui. Hey, mais moi aussi, je suis dans la distribution de Twilight, là, je peux-tu y aller avec vous autres? Non, man. Oh mon mains. Dieu. Sérieusement. Bref, on continue toujours sur les faits des top modèles de mains. Ils ont déjà joué, ces top modèles de mains-là, des mains de vedettes. Ah ben oui, bien souvent. Ben oui, donc la prochaine fois que vous allez voir une publicité mettant en vedette une actrice célèbre qui applique de la crème pour la peau, du mascara, souvenez-vous que c'est peut-être même pas sa main. En fait, la top modèle de membres, encore une fois, parts model, comme dans des membres. Ouais, membres du corps. Membres du corps. Donc, Adèle Oudot a doublé, entre guillemets, des célébrités comme Natalie Portman et Reese Witherspoon. Et essayer de bouger autour d'une vedette pour que rien, sauf tes mains à toi, soit dans la photo, peut demander un petit peu d'acrobatie. Hein. Ça veut dire que l'actrice ou l'acteur, en tant que tel, n'a pas de belles mains et qu'on veut montrer ses mains de près. Donc, on demande à un top modèle de venir doubler, un peu comme on doublerait une scène de nudité. C'est absolument ridicule. Donc, souvent, ils leur demandent à ces top modèles-là de s'accroupir derrière et de se cacher. Et là, la main passe en dessous de leur bras à la vedette. En tout cas, pour vrai, c'est du compliqué. Mais oui! Ensuite, celui-là, les exercices de doigts. Ah! Pour les top modèles de mains. Ben oui! Ben évidemment! Donc, quelqu'un qui est top modèle de mains va devoir bouger ses doigts dans plusieurs directions sans bouger le reste de la main, ce qui peut être très difficile. Mm-hmm. Pour se pratiquer, donc, Ashley Covington a commencé à faire des exercices de doigts pour les musiciens, comme des joueurs de flûte, pour gagner un petit contrôle musculaire de plus que les autres. Donc, elle était dans le métro à la télé en train de regarder la télé, à la maison en train de regarder la télé, oui, et elle faisait ces exercices-là. Elle le fait encore aujourd'hui. Elle peut bouger presque tout indépendamment dans sa main. Elle a inventé un genre de cours, presque une école pour ça. My God. My God. Être capable de bien cogner sa bière, c'est une habileté importante pour les top modèles de mains. Ouais, des fois, il faut toucher à des objets avec une précision absolue encore et encore. Par exemple, une publicité de bière demandait à Ashley Covington de glisser quelques bières sur une table pour qu'elles arrêtent exactement avec l'étiquette vers la caméra. Ce qu'on voit pas, c'est que la caméra est au-dessus de son cou, dit-elle. Sa tête est penchée complètement d'un côté et elle peut voir seulement avec un œil ce que sa main fait. Donc, c'est une question de vitesse et de pression, un peu comme un lanceur de baseball lorsqu'il lance une balle. Mmh. Tu sais, quand tu te crées dans ton métier. Là. Oui, c'est ça, exactement. Oh, il faut vraiment un talent exceptionnel. Je suis le seul à pouvoir faire ce métier. Oui, on se calme. Est-ce que tu crois qu'ils obtiennent leur visa beaucoup plus facilement que n'importe qui d'autre? Ouais, c'est une bonne question, ça. Très bonne question. Je me demande s'il faut amener des gens de d'autres pays pour venir être top modèle de main comme au baseball. Pas, hein? Des fois, ça peut être un petit peu malaisant si la top modèle de main... Ah oui, c'est ça. Des fois, il faut qu'elle se fasse couvrir le bras à partir du poignet. Donc, des fois, ouais, elle est positionnée entre les jambes du photographe. Des fois, il faut qu'elle fasse des moves super compliqués où elle peut même pas voir ce qu'elle fait. Peut-être verser quelque chose alors qu'elle est en dessous de la table, la fille. Ah, mon Dieu! Pour remplacer les mains de quelqu'un d'autre parce que les mains sont pas belles, j'imagine. Mais là, un écran vert, ça vous tombe pas? Ah, je sais pas. Bref, elle s'est enseignée elle-même comment verser un breuvage pour que ça splash exactement au bon angle pour la caméra dans le verre. Et étant donné que certains clients veulent qu'elle hache des choses, par exemple avec un slap chop ou peu importe, là, mm-hmm, elle prend des courses de... Des courses, voyons. Des cours? Des cours, oui, clairement. Des cours de pour couper au couteau et wow, des cours de cuisine pour être habile de ses mains. Ensuite, toujours dans les secrets des top modèles de mains, l'huile d'olive est la meilleure lotion. La clé okay, de oui, Ashley Covington pour avoir les mains douces, oui, c'est de faire de l'humidification, moisturizing. En français, on appelle ça un mot pour ça du en crémage. Français. Non, un mot pour ça, c'est pas ça. Hydratation. Bravo. Ça a pris deux chances pour lui. Bref, elle utilise de l'huile d'olive ou de l'huile de noix de coco. Donc, elle fait son petit mélange depuis des années dans sa propre cuisine. Tu vois que c'est le son de cuisine de tantôt. Ben oui, hein, ça sert. Ça inclut entre autres de la noix de coco, de l'amande, de l'huile d'olive et de la vitamine E. Donc, une bonne couche d'hydratant plusieurs fois par jour pour prendre soin de ses mains. T'imagines là, l'avoir comme amie dans ta vie. Comment elle doit être grossée, ouais, c'est là. Ah, tu lui donnes pas la main, en fait, parce que ça doit tout être graisseux. Ah, touche pas ma main. Voyons donc, t'es ben trop sale, ouais. Moi. Mm-hmm. Plusieurs top modèles de main ne vont pas porter de bijoux parce que les bagues et les montres peuvent laisser des marques sur la oui, peau. Ça, oui. Pour vrai, Ashley Covington dit qu'elle n'a pas porté de bijoux sur ses mains depuis 13 ans. Pour ouais, à force que tu portes tout le temps les mêmes bijoux, on dirait que tes doigts s'adaptent aussi. Ouais, c'est vrai, hein. Tu vois, t'aurais des bosses sur les jointures, tu pourrais pas être top. J'ai des bosses sur les jointures, je me craque tout le temps les doigts. Pas faire ça. En partant, je suis pas une bonne modèle de main. Et quand on parlait que des fois, peut-être qu'ils peuvent être un petit peu gossants dans la vie, les top modèles de main, ils portent des gants la plupart du temps pendant l'année au complet. Ouais. Donc, un doigt égratigné, une jointure avec un bleu dessus, un ongle cassé, c'est très mauvais pour les affaires, pour les top modèles de main. Donc, ils portent des gants aussitôt qu'ils sortent de chez eux. Elle dit à Ashley Covington qu'elle s'est déjà fait couper un jour parce qu'une femme l'a poussé dans le métro et sa grosse bague lui a égratigné la main. Ah non! Incroyable. Et incroyable. J'essayerai même pas d'avoir l'air sérieux. Non, c'est sur ça, cet exactement. Article-là, je trouve ça ridicule. On peut pas, Mathieu. C'est impossible. Et finalement, les sacs de thé et la colle sont le kit de premier soin des top modèles de main. Mm-hmm. Si vous avez besoin d'un remède rapide pour un ongle cassé, il faut trouver un sac de thé et un peu de colle à ongles et tout va bien aller. Donc, elle dit à Ashley Covington que c'est le premier emploi qu'elle a réussi à avoir à New York pour Dior. Elle s'est cassé l'ongle deux jours avant. Hein? C'est pas Ashley Covington, c'est l'autre Udo de tantôt, okay. Mais peu importe. Hein. Donc, elle a appelé un technicien des ongles pour célébrité. Ouais. Hein? Et cette personne-là est venue le lendemain et ils ont réussi à attacher ça avec un sac de thé et de la colle. C'était incroyable. Dit-elle, ça paraissait même pas que j'avais un ongle cassé. Donc, la colle tient l'ongle en place et le sac de thé va chimiquement faire fusionner le tout, les deux morceaux ensemble. Tu mets sur la couche du dessus un peu de vernis et personne va savoir que ton ongle est cassé. Wow. Voilà. Il y a une petite démonstration en vidéo là, sur YouTube. C'est dans l'article sur assemblagerequis.com. C'est fantastique. Les mains, Mathieu, les mains, c'est important. On dirait que je suis comme offusqué que ça existe, ce job-là. C'est n'importe quoi! Non? Oui, je suis d'accord. Non, mais je veux dire, remplacer une vedette parce que ses mains sont pas parfaites. Est-ce que tu prends la vedette pour ses mains? Ouais, c'est ça. Non, mais tu veux que tout soit mains. Parfait, tu sais. Mais oui, mais là... Je suis d'accord. Alors, on va continuer. Je te l'avais dit qu'on n'avait pas de thématique aujourd'hui. On change, mais complètement de sujet avec la première utilisation de 6 symboles typographiques. OK. On parle de A commercial, des trucs comme ça. Donc, plusieurs symboles qu'on connaît sur nos claviers ont des histoires fascinantes. Bon, il y a le zéro qu'on prend pour acquis, mais qui dénote l'absence d'une valeur. C'était pas présent dans les mathématiques occidentales jusqu'à son introduction dans l'Orient, dans l'Est du monde. D'autres symboles comme le hashtag ou le A commercial avaient tout plein d'autres utilités jusqu'à ce qu'Internet arrive et qu'on s'en serve pour communiquer, pour réparer des problèmes qu'on avait. Donc, quelques petits exemples d'usage et d'histoire autour des symboles que vous connaissez de votre clavier. On commence par le signe du A commercial, bien sûr, le A dans un petit rond, là. Le at, qu'on appelle l'arrobase, des fois. Ça date de 1536, dans une lettre d'un marchand, Francesco Lapi. Marchand, je crois que c'est Florent qu'on dit, en tout cas, Florentine. Okay. Bref, qui utilisait ça comme unité pour son vin, qui s'appelait un amphoré. Donc, un chercheur espagnol a dit avoir trouvé une référence encore plus tôt que ça en 1448 dans un document où le symbole faisait référence aussi à une unité de mesure. Et en fait, aujourd'hui, les Espagnols appellent le symbole du commercial arroba. C'est pour ça que j'imagine qu'on dit arrobas en français, hein, qui est une unité de poids. Et certaines autres langues ont des définitions du genre. Mais quand même, les chercheurs croient que le symbole est ensuite passé en Europe du Nord, où ça a éventuellement pris la définition du « à ce prix », donc « au prix de ». D'autres explications ont aussi été offertes, mais la racine du symbole exact généralement, on dit que c'est devenu un raccourci pour « at » et c'était utilisé dans les transactions financières à ce moment-là. Par exemple, « Bob vend des pommes » à James at $1. C'est comme ça que ça a commencé. Donc, c'était au prix de. Le symbole a arrêté d'être utilisé pas mal au début des années 70. Et ensuite, Le scientifique Ray Tomlinson travaillait chez BBN Technologies à Cambridge, au Massachusetts. Tomlinson, qui travaillait pour le gouvernement, était dès le départ d'Internet un grand utilisateur. Il essayait de trouver une façon d'adresser des messages d'un ordinateur à un autre. Il a remarqué que le symbole du at sur son ordinateur, sur son clavier en fait, était peu utilisé. Et il l'a utilisé pour envoyer le premier prototype d'un courriel. Et ce précédent-là a été adopté alors que l'Internet se développait et le symbole at à commercial est devenu une grande partie de nos vies. Ensuite, on a parlé du début zéro tantôt. Donc l'absence d'une valeur, c'est un concept complexe. Plusieurs civilisations à l'époque avaient de la difficulté avec ça. Donc l'idée d'un zéro a fini par arriver en Occident du mathématicien de l'Inde. Comme dans plusieurs autres cultures, le zéro était utilisé comme genre de comment est-ce que je pourrais dire ça? De remplacement pour quelque chose qui n'existe pas. OK, ouais. Si on veut. Par exemple, pour indiquer qu'il n'y avait pas d'unité, comme dans 101, il n'y avait pas d'unité au milieu, donc on mettait un 0, ouais. 1, puis espace et un autre 1. La première utilisation d'un 0 en Inde, en tout cas qu'on connaît, a été retracée à un texte mathématique ancien qui s'appelait le manuscrit de Bakshali, qui est présentement à la bibliothèque Oxford's Bodleian Library. Donc en septembre 2017, on a réussi à dater ça par radiocarbone. On a indiqué que le manuscrit avait été produit au 3e ou au 4e siècle, nous montrant donc la première utilisation du 0 quelques 500 ans avant ce qu'on pensait. Incroyable. Donc le symbole dans le manuscrit était particulièrement significatif pour deux raisons. Pour commencer, c'est que ce zéro-là a évolué pour avoir un centre vide. Et c'est devenu un symbole de ce qu'on connaît comme zéro aujourd'hui. Deuxièmement, c'était seulement en Inde que le zéro s'est développé en son propre chiffre, son propre nombre. Donc ça a créé un concept. Et ensuite, le nombre zéro, comme on le connaît aujourd'hui. Le manuscrit lui-même a été découvert, enterré dans un champ en 1881, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Pakistan. Écrit sur 70 feuilles très délicates, des feuilles d'arbre. Ouais. Les historiens pensent que ça représentait un manuel pour l'échange de la soie. Silk Road Traders? Oui, je pense que oui. Oui, je pense que c'est ça. Bref, ça leur enseignait les concepts de l'arithmétique. Ensuite, allons-y avec notre célèbre hashtag, le dièse. Hein? Donc, l'origine du hashtag, comme on l'appelle aux États-Unis des fois, le pound sign. Des fois, on appelle ça, là, parce qu'on est vraiment paresseux intellectuellement, le carré. Le carré? Ouais, je sais. C'est aucunement un carré. Là. On s'entend. C'est lequel, le dièse? C'est l'étoile, hein? Non, le dièse, c'est bien ça, c'est le hashtag. C'est le hashtag. Ouais, le dièse, hein. OK. Ouais. Non, l'étoile, c'est une étoile. Mais des fois, sur les systèmes téléphoniques, mot-clic. Mais pour vrai, carré, là, c'est vraiment paresseux, je trouve. Ouais. De dire ça, c'est comme prendre les gens pour des épais. Ouais, ouais, ouais. Ah, on dirait que non, ça ne fit pas dans ma tête. Si vous dites ça, je m'excuse, mais je vous juge pas mal. Un carré, là. Alors, regardez c'est quoi un carré, là, puis regardez le dièse. Ouais, c'est ça, je pense que je vais faire ça aussi. Je vais faire la même chose. Je vais probablement vous juger sur celle-là aussi. Bref, ça vient des gens qui écrivaient en raccourci pour le latin qui est libra pondo, ce qui veut dire livre par poids. Donc l'abréviation qu'ils utilisaient était LB, ce qu'on appelle des fois livre de nos jours. Hein. Donc LB qu'on lisait des fois sous... dans le fond, qu'on prenait le LB. Pour livre, ou livre par poids, oui. Donc, on le voyait comme un 16 des fois. Donc, les gens qui faisaient la transcription ont pris un dessin d'une ligne, ils l'ont mis par-dessus le 16, et avec le temps, le 16 avec une barre par-dessus s'est développé pour devenir le dièse. Dans les années 60, le C a été choisi par Bell Laboratories pour être une clé, une touche de fonction sur leur nouveau clavier de téléphone. Donc l'équipe de Bell Labs a renommé le symbole l'Octothorp en honneur de l'athlète Jim Thorpe. Mm-hmm. Octothorpe. Si on avance en 2007, lorsque les utilisateurs de Twitter voulaient regrouper leurs messages ensemble et les filtrer par sujet, le développeur Chris Messina a suggéré qu'ils se réapproprient la méthode utilisée dans IRC, donc on se rappelle d'IRC dans les années 90, où les utilisateurs employaient le signe du dièse pour noter un sujet. Donc les programmeurs appelaient ce symbole-là le H. Qui était utilisé pour taguer le contenu. Et cette méthode très simple a commencé à prendre de l'ampleur et aujourd'hui on appelle ça un hashtag et c'est devenu populaire dans les réseaux sociaux. Ensuite, on parle de l'ellipse, les trois petits points. Oui, ben oui. Ouais, donc à l'époque, les points de silence étaient marqués textuellement avec une série de traits d'union. C'est pas ce qu'on appelle aussi les points de suspension. Oui, exactement. D'accord. Aujourd'hui, le symbole de choix est le point, point, point, donc l'ellipse. Dr. Ann Toner. Toner. Ann Toner. C'est incroyable. Pour vrai, là, si tu travailles en langage ou en papier, ouais, tu t'appelles Ann Toner, c'est marrant. C'est très drôle. Bref, c'est à l'Université Cambridge Elle a passé plusieurs années à chercher, à faire des recherches sur l'ellipse pour finalement découvrir ce qu'elle pense être sa première utilisation dans une traduction en anglais du dramaturge romain Terence, sa pièce Andria, imprimée en 1588. Bref, la pièce de théâtre utilisait des traits d'union à la place des points, mais l'idée en général est devenue quand même assez répandue. Donc Toner dit que même s'il y a 4 ellipses dans la traduction de 1588, pardon. Il y en a 29 dans la version de 1627. Donc, on a enlevé quelques suspensions avec... On a rajouté, avec le temps. 1588 versus 1627, c'est ça. Au 18e siècle, les points ont commencé à remplacer les traits d'union. Un professeur assistant de Southeastern University suggère que c'est peut-être connecté avec une pratique médiévale, une ponctuation médiévale qui s'appelait le underdotting ou le sub-puncting, qui généralement indiquait que quelque chose avait été incorrectement copié. Eh ben, intéressant. Je ne savais pas. Ensuite, la perluette. Tu connais le symbole du « et » Oui, c'est là. On l'appelle une perluette en français des fois. Donc, la perluette vient... du latin, oui, et le mot et, qui veut dire la même chose en français, et. C'était écrit en lettres en lettres attachées, en ligature, donc où deux lettres sont écrites ensemble en tant qu'un seul caractère. Un des premiers exemples est dans des graffitis sur les murs d'une maison à Pompéi, où ça a été préservé par l'éruption du Vésuve en 79. Bref. Ouais. Peu importe. Au 8e siècle, la perluette est devenue très reconnaissable, son propre caractère distinct, mais le mot perluette, lui, bon, en anglais, ampersand, n'est pas arrivé avant la fin du 18e siècle ou du début du 19e siècle, lorsque les professeurs d'anglais récitaient le and per si and, voulant dire et par lui-même veut dire et, hein, pour aider à se souvenir du symbole, parce que per se est du latin pour par lui-même. Oh boy. Ouais, donc c'est comme ça que c'est devenu un ampersand. On a enquêté un petit peu sur l'historique typographique de la perluette de la part d'un designer graphique allemand, Jan Tischold, qui en 1953 a publié The Ampersand, Its Origins and Development, où elle a ramassé plusieurs exemples de la perluette à travers le premier siècle et au-delà, donc pour montrer sa forme et son développement. Et pour terminer, le symbole du plus. Le plus utilisé pour l'addition en mathématiques vient d'une ligature du latin, encore une fois, et, le même. Et c'était probablement utilisé pendant une longue période, donc avant de survivre et d'apparaître en imprimé. Un candidat pour la première utilisation vient en fait du philosophe français, Nicole Oresme, dans Algorithmus Proportionum. Ben oui! Oui, un manuscrit écrit à la main entre 1356 et 1361. Il y a un débat à savoir si c'est vraiment le vrai symbole du plus qu'on connaît aujourd'hui. La première utilisation du symbole plus dans un livre imprimé et plus définitif peut être ramenée en 1489 dans l'édition de cette année-là de Mercantile Arithmetic de Johannes Wiedemann. Wiedemann utilisait le symbole du moins pour la première fois en imprimé dans ce volume-là. Ah, oui. Même si le symbole du plus et du moins ne montrait pas l'addition et la soustraction, mais les surplus et les déficits en comptabilité. Après cette utilisation-là, le plus a commencé à apparaître plus fréquemment dans les textes mathématiques allemands, et la première fois que c'est apparu dans un texte en anglais était en 1557 dans The Whetstone of Wit de Robert Record, qui a aussi amené le symbole égal. Oh. Super intéressant. Ben oui, vraiment. Vraiment. Donc nous voilà arrivés à échéance de ces trois petites listes dans son foutu palmarès. Moi, ça m'a diverti. J'espère que vous aussi. Tant mieux. On est là pour se divertir l'un l'autre. Exactement. En ce début d'émission. Donc on prend une pause et au retour, en fait, plus tard à l'émission, on prépare plein d'autres choses. Entre autres, après le crime, Tania Sganatutania, Dominique Nodemavungu et Marc-Olivier Dumas. Tout ça dans un autre ordre que ce que je viens de dire là. Mais pour l'instant, on prend une pause et on vient rester là. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis. aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Deuxième heure d'assemblage requis en ce mardi matin, 7 novembre 2017, elle est Talia Baudin. Et Mathieu Plante. Mm-hmm. David Ferron, notre chroniqueur adoré, qui va être avec nous demain. Arrête pas de m'envoyer des hashtags carrés. Ah ouais? Carré! Non! Je suis contente que ce soit toi cette fois. La semaine dernière, c'était moi qui David écrivait non-stop. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. David, t'es fin. Ben oui, merci David. On va le voir demain dans la chronique du Zone Campus. Avant de passer à ta chronique, Tania is gonna entertain ya. Rappelle-nous de quoi tu nous parles aujourd'hui. Je vous parle d'emploi, élection. En fait, emploi. Aujourd'hui. Oui. Emploi dans le monde des élections. Ah, tu vas voir. Ah, je suis intrigué. Mais avant ça, on se clenche un petit peu de Pierre Quenders, justement en l'honneur de David Ferron qui adore Pierre Quenders. Voici Bittersweet Mornings, donc des matins aigres douces. Pas mal ce qu'on vit ensemble ce matin. Assemblage requis. Au 89 FM. Pierre Quenders et Bittersweet Mornings, assemblage requis. OK, oui. Maintenant, hockey. Maintenant, c'est Tanya is gonna entertain. Yeah. C'était une petite Tanya qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tanya. And she's gonna entertain. Tania, on parle d'emploi aujourd'hui. T'es là à notre service ce matin. Oui, exactement. En fait, je vais vous parler un petit peu des emplois qui sont soit en demande ou soit qui sont quand même très payants et on s'en attend pas nécessairement tout le temps. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous n'avez pas encore d'emploi ou vous désirez changer votre emploi, eh bien, c'est pas mal le temps d'écouter, là. C'est là que ça se passe. Si vous êtes au secondaire ou encore au cégep collégial, bien, c'est là aussi que ça va se passer parce que ça va peut-être déterminer votre projet universitaire, c'est-à-dire en quoi étudier. Parce que, bon, c'est sûr qu'on on va pas se cacher que quand on choisit notre programme de cégep ou d'université, on pense quand même à plusieurs critères. Mm-hmm. On pense surtout à ce qu'on veut faire pendant vraiment longtemps. Donc, on se demande si on aime ça. Combien tu peux pas t'emmerder tout le long. Mais c'est ça. Ouais. Combien ça va nous rapporter? Bien souvent, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui choisissent leur domaine en fonction de combien ça va gagner. Vous allez voir rapidement que c'est plus ou moins une bonne idée. Exactement. En théorie, c'est pas comme ça qu'on devrait déterminer ce qu'on veut faire pour le reste de nos jours. Mais bon, si c'est comme ça, vous voulez déterminer le bonheur du reste de votre vie, c'est votre choix. Ouais. Donc, il y a des questions qui sont quand même assez importantes lorsqu'on arrive à faire un choix comme ça, surtout pour le reste de notre avenir. Mais on s'entend que récemment, de plus en plus, on réalise que les gens changent d'emploi. Mm-hmm. Avant, on choisissait notre domaine. Pour la vie. Pour la vie, on restait là-dedans. Mais là, on réalise qu'il y a quand même beaucoup de gens qui butinent à gauche puis à droite dans le domaine, dans certains domaines qui sont différents. Donc, il y a une perspective d'emploi qui est quand même tout à fait différente. Et il y a d'autres critères qui sont vraiment importants aussi dans nos choix de carrière. Donc, c'est plate de faire des études dans un domaine super contingenté et réaliser finalement qu'on n'aime pas nécessairement ça. Ouais. Mais aujourd'hui, j'ai pour vous des emplois qui sont parmi les plus en demande au Québec. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous vous dites, je ne sais pas, moi, déjà à la base, je veux rester au Québec pour le reste de mes jours, bien probablement que regardez ceux qui sont en demande, justement, et voir si ce n'est pas quelque chose qui nous rejoint en termes de valeur, en termes de plaisir aussi, bien peut-être que ça peut faire une grande différence dans votre choix de carrière. Le premier, c'est adjoint administratif médicaux. C'est pas nécessairement quelque chose à laquelle on pense tout le temps. On parle d'effectuer des tâches de secrétariat, mais dans le milieu médical. Okay. Donc, en fait, les études qui vont être demandées, c'est un DEP en secrétariat, puis un ASP en secrétariat médical. Parce que, bon, c'est sûr qu'on veut avoir une certaine spécialisation. Ouais. Mais le domaine médical, on n'est pas obligé de triper sur le sang. On n'est pas obligé de triper... Tu le verras pas en tant que tel. Mais exactement, en théorie, tu vois aucune goutte de sang là. Peut-être des références au sang dans les papiers. Exactement. C'est beaucoup, comme je le disais, administratif. Donc, jouer dans les dossiers des clients, des patients, en fait. Ceux qui vont avoir des rendez-vous avec certains médecins. C'est vraiment de ce côté-là qu'on va travailler au niveau administratif médicaux. Par la suite, il y a audiologiste et orthophoniste. Ces deux emplois qui sont très en demande présentement au Québec. On parle d'évaluation. La déficience auditive ou encore langagière d'un patient. On se souvient, récemment, il y a eu certaines études qui disent que la moitié quasiment du Québec a encore de la difficulté à bien écrire, a encore de la difficulté à lire. Orthophonistes, audiologistes, ce sont des gens qui sont spécialisés là-dedans pour pouvoir justement vous aider et aider le nombre, le pourcentage de personnes qui ont de la difficulté avec ça. Et les études demandées, bien souvent, on va demander une maîtrise en orthophonie ou en audiologie. Et sachez qu'ici à l'UQTR, orthophonie, ça se donne. Il y a une association pas loin de nos bureaux qui est d'ailleurs l'association des étudiants en orthophonie. Donc ici, à Trois-Rivières, ça se donne. Si jamais ça ne vous intéresse pas nécessairement de devoir partir et aller faire vos études ailleurs, bien vous pouvez vous rendre jusqu'à la maîtrise ici même, ici même dans votre propre ville. par la suite. Et on le sait, les emplois qui sont un petit peu plus web, c'est quelque chose qui fait quand même parler aussi. C'est quelque chose qui est en effervescence, disons ça comme ça. Ça fleurit. Et concepteurs et développeurs web, ce sont des emplois qui sont beaucoup en demande au Québec présentement. On parle d'élaborer l'architecture d'un site web. Ce qu'on se rend compte, c'est que oui, les États-Unis sont très, très forts avec ça, mais nous, nos entreprises québécoises ont quand même un petit peu encore une difficulté à devoir créer un site web, à l'alimenter, à le rendre attrayant. Donc, les concepteurs, les développeurs web, c'est vraiment là-dessus qu'on va se baser, c'est là-dessus qu'on va travailler aussi. Et bien souvent, bon, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer, on va travailler de pair avec le client. On va développer quelque chose qui va être à leur image, mais tout en donnant quand même une petite touche. Souvent, les développeurs web vont avoir leur petite signature bien à eux qu'on va pouvoir retrouver sur les différents sites Internet qu'ils vont faire. Donc, les études demandées, bien souvent, on va demander un deck en informatique, en art graphique, en conception web ou encore en administration des affaires. Et ça, si ça vous intéresse, vous n'êtes pas obligé de rester au deck. Vous pouvez aussi vous aller du côté universitaire. C'est quelque chose que vous pouvez pousser si vous, par exemple, le bout de papier universitaire vous tient à cœur. Bien, c'est quelque chose qui peut se faire. Donc, vous pouvez commencer par le deck et par la suite, graduellement, aller à l'universitaire et vous rendre jusqu'à la maîtrise. Tu sais, du côté informatique, y en a tout le temps qui demandent à avoir des gens qui sont spécialisés là-dedans. Directeur financier, donc devoir planifier, organiser, diriger des services de comptabilité. On le sait, encore une fois, ça fait plusieurs fois qu'on discute d'économie dans l'émission, qu'on a des chroniques aussi où on va parler de petits trucs, comment économiser, comment essayer de pouvoir planifier nos choses. Et un directeur financier, en temps normal, c'est ça que ça fait. Ça va vous aider justement à vous dire, regarde, ça, c'est ton budget. Arrête d'aller fouiller ailleurs. C'est ton budget. Je t'ai dit de devoir le regarder, de le tenir à la lettre. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui va un petit peu guider vos finances. C'est l'ennemi de notre plaisir. C'est l'ennemi de notre portefeuille, surtout. Hein? Donc, les études demandées, bien souvent, ça va être un bac en administration des affaires ou en économie ou encore en commerce. Alors, encore une fois, ici à Trois-Rivières, je pense que la majorité des gens qui sont à l'université, à l'UQTR, sont en train d'étudier en admin. Si vous regardez les spotted de QTR memes. En tout cas, c'est pas mal ça que ça dit. Donc, c'est vraiment ces gens-là sur qui, bien souvent, on va se tourner pour voir si, par exemple, bon, ben moi, dans 5 ans, j'aimerais ça m'acheter une maison. Qu'est-ce que je dois faire là, pour pouvoir, dans 5 ans, m'acheter ma maison, justement? C'est souvent eux qui vont vous aider à organiser tout ça. Organiser votre portefeuille de façon claire et nette et vous expliquer aussi. On doit le mentionner parce que c'est beau d'aller dans une banque. C'est beau de vous associer à une caisse ou peu importe, mais souvent, les petites informations qui vont nous manquer ne sont pas nécessairement expliquées. Un directeur financier, c'est quelqu'un qui peut très bien vous expliquer ce qui en est, ce qui va en être et ce qui va en découler aussi. Donc, la plupart du temps, ça va rentrer dans ses tâches et c'est quelque chose qui est en demande ici au Québec. Un estimateur en construction. Ah, wow. C'est très rare qu'on va penser à ça, mais c'est un emploi qui est en demande au Québec. On parle de prévoir les coûts qui vont être éventuels à un projet de construction. Les études demandées, bien, on parle souvent d'une technique, que ce soit du côté génie civil ou encore du côté de la construction. Donc, les DEP, les DEC, même ici à l'université, si on va en génie civil, bien souvent, ça va être rendu du côté universitaire. Mais ce sont des gens qui peuvent très bien gagner leur vie, sachez-le, et prévoir les coûts éventuels d'un projet de construction, ça veut aussi dire maîtriser le temps du projet de construction. Donc, quand on dit le temps, c'est de l'argent, en construction, la plupart du temps, c'est pas mal vrai. Alors, si on voit qu'on prend du retard, bien, c'est nous, souvent, qui va devoir aussi pousser dans le dos des gars qui sont sur la job. Vous êtes un petit peu, là, quasiment le... La personne qui va être en charge, la personne qui va être en charge du chantier. Donc, vous allez y dire, bon, ben gars, écoute, tes gars travaillent pas assez vite parce que clairement, t'es en train de perdre de l'argent sur l'estimation de la construction. On était censé rendu être là. Et là, on n'est pas là du tout. Alors, fais en sorte que tes gars vont travailler beaucoup plus rapidement. Sommeil là-bas. C'est ça, exactement. Par la suite, au Québec, un autre emploi qui est en demande, bien, hygiéniste dentaire. Ce sont pas nécessairement des emplois qu'on pense qui sont en demande, mais pourtant, on se rend compte que les gens ont plus tendance ces temps-ci à s'en aller directement en tant que dentiste et non pas hygiéniste dentaire. Donc, la description, en fait, c'est d'examiner les dents du patient, consulter le dentiste pour beaucoup plus de conseils. C'est vous qui allez vraiment être l'assistant ou l'assistante du dentiste en chef. Et bien évidemment, ça vous prend un deck. Souvent, ça va vous prendre aussi un universitaire. Donc, regardez où ça se donne parce que ça se donne pas nécessairement ici à Trois-Rivières. Je sais que ça se donne à Montréal. Je crois aussi que ça se donne du côté de l'Université Laval. Mais ici à Trois-Rivières, on n'a pas ça. Donc, vérifiez. Mais pour l'hygiéniste dentaire, le DEC, c'est souvent la base de ce qu'on va vous demander, en fait, pour pouvoir commencer à travailler dans ce domaine-là. Il y en a plusieurs. Il y a des physiothérapeutes aussi qui sont en demande au Québec. Il y a des magasiniers, des commis aux pièces. C'est souvent les petits jobs à laquelle on pense pas nécessairement. Mais si on regarde les manutentionnaires, charger, décharger des matériaux, parfois, ça veut juste prendre un DES, un diplôme d'études secondaires ou un DEP, mais c'est vraiment pas des choses auxquelles on pense. Et pourtant, maintenant, c'est tellement quelque chose qui est en demande que ça peut être extrêmement payant. Donc, si vous cherchez justement la stabilité financière, bien peut-être que quelque chose du style magasinier ou manutentionnaire, si vous êtes un gars, vous dites « moi, je suis manuel », malheureusement, devenir... Sexiste? Ben non, mais tu sais, je sais pas moi, le côté financier, non, si vous intéresse pas ou peu importe, vous n'êtes pas nécessairement intéressé à poursuivre vos études universitaires aussi, ça arrive tout simplement. Bien, ce sont des emplois qui peuvent très bien se présenter comme étant payants, là. Parce que, bon, la plupart du temps, on ne veut pas avoir une job qui ne payera pas non plus, même si on est passionné de ça. Donc, il faut savoir faire le pour et le contre dans tout ce qu'on va vouloir évaluer avant de faire nos études. Ouais. Aussi, au Québec, il y a des emplois qui offrent des salaires qui sont excellents. Et j'ai réussi à mettre la main sur certains emplois au Québec qui offrent un salaire d'au moins 50 000 $ par année. Parce que, bon, on le sait, une job aussi bien payée, ça court pas les rues. et quand vient le temps de choisir un emploi, comme je le disais tout à l'heure, bien, il y a un critère qui est quand même assez extrêmement important et qui reste quand même tabou, c'est le salaire de ce métier-là. Alors, si on est passionné, si on pense que notre travail, les intérêts personnels sont peut-être sur la ligne, parfois... Bien, le salaire va faire en sorte que ça va tomber d'un côté ou ça va tout simplement tomber de l'autre. Donc, ce sont des choix de carrière. Ce sont aussi des intérêts personnels qui sont à prendre en compte lorsqu'on décide d'appliquer quelque part. Parfois, ça ne sera pas nécessairement tout le temps écrit, mais lorsque vous arrivez, par exemple, à l'entrevue, c'est quelque chose qui, en théorie, devrait être mentionné dans la première entrevue. Ça dépend vraiment du concours de circonstances aussi. Si c'est, par exemple, trois entrevues que vous devez passer avant de devoir savoir ce qui se passe au niveau salarial, bien, c'est des choses qui sont possibles. Ouais. T'sais, il faut garder ça en tête quand même. Donc, avoir une job, c'est merveilleux, c'est bien, mais avoir une job qui paye bien, c'est encore mieux, on s'entend. Et bien, vous avez probablement une tonne de pays aussi que vous rêvez de visiter, peut-être, et possiblement avoir des enfants, possiblement vous acheter une maison, avoir un certain compte en banque rendu du côté adulte, ou une retraite pour laquelle vous allez avoir économisé, des dépenses qui sont quotidiennes. Donc, on veut un salaire qui va faire en sorte que ça va valoir la peine de se lever à 6 heures le matin pour aller travailler tous les jours. Et pour satisfaire notre curiosité justement par rapport à ces emplois-là, bien, je vous ai dit que j'avais quelques emplois pour vous. Alors, les emplois dont le salaire est d'au moins 50 000 $ présentement au Québec, un agent au service à la clientèle, plus précisément à la STM de Montréal. Ben, eh bien oui, le salaire que va toucher un agent de service à la clientèle à la STM de Montréal présentement, c'est entre 61 000 et 77 000. Donc, il y a des exigences qui rentrent quand même dans ça, mais une bonne connaissance des outils informatiques, c'est nécessaire. Une formation sur le traitement des clients qui sont difficiles, une capacité d'analyse, de synthèse aussi, le sens du client, l'autonomie. Tu sais, ce sont toutes des choses qui, tu dis, service à la clientèle. Ça va avec, ouais. ça va avec. Donc, communication écrite et verbale, vous devez quand même être top-notch de ce côté-là. Mais pour le prix, je trouve que c'est quand même pas pire. Tu te forces. Par la suite, agent de filiature. Où ça se passe? Bien, ça se passe du côté du SCRS, donc le Service canadien de renseignement de la sécurité. Plus précisément, les bureaux à Montréal. Récemment, ils étaient à la recherche d'agents de filiature. Et là, on touche un salaire entre 58 000 et 72 000 $. Donc, on parle d'une bonne connaissance des outils informatiques, encore une fois, parce que le SCRS va travailler beaucoup avec ça. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que le SCRS, je viens de le dire, c'est le Service canadien du renseignement de la sécurité nationale. Donc, c'est la protection de votre pays, en fait. Ça prend un diplôme d'études collégiales, sachez-le, un programme d'au moins 2 ans, un minimum de 3 ans d'expérience pour la conduite automobile, quand même, c'est pas si pire, et un minimum de 2 ans d'expérience au travail d'équipe. Donc, il faut que vous ayez fait partie d'une équipe. On parle d'un permis canadien valide, permanent, et surtout ne pas avoir un dossier criminel. Ça rentre en ligne ça de compte un petit peu. Oui, c'est ça. Par la suite, encore une fois au Québec, les managers, les gens qui vont manager, par exemple, une équipe sur un terrain dans un commerce... Un gérant, oui, tout à fait. Bien, ça peut toucher jusqu'à 80 000 $ par année, oui, sachez-le. Donc, un baccalauréat dans un domaine qui est pertinent, de l'expérience, ça va faire en sorte que vous allez pouvoir aller toucher un petit peu le salaire supérieur. On parle aussi d'expérience dans la gestion de personnel, dans la gestion de budget. On parle aussi d'une communication et de sens de l'organisation qui doit être très développé. C'est sûr, si vous avez à gérer une grande équipe, le sens de l'organisation, le sens de la communication, je pense que c'est les bases d'un bon gérant. Pouvoir travailler, parler à son équipe de façon efficace, c'est pas mal sensiblement la base de pas mal tous les gérants dans les grands centres commerciaux ou peu importe. Par la suite, si on regarde du côté, encore une fois, du Québec, eh bien, la gestion du personnel, comme je viens de le dire, un agent de gestion de personnel, ça peut toucher jusqu'à 55 000 $ tout dépendant de la place. Donc, tout à l'heure, on parlait de 80 000 $ C'est vraiment manager là, la grosse équipe. Si on parle d'un agent de la gestion du personnel, vous allez avoir une plus petite équipe. Par exemple, à Montréal, eh bien, le service de santé et de services sociaux cherche un agent de gestion de personnel. Donc, ça doit être une plus petite équipe. On parle d'exigences, cette fois, qui sont différentes. On demande un baccalauréat, 3 années d'expérience, être bilingue, aussi avoir des bonnes notions du domaine de la santé, du domaine des services sociaux aussi, donc les ministères, les programmes, les tendances actuelles du côté politique. Donc, il faut que vous soyez quand même apte à devoir faire certains revirements de situation rapide pour gérer votre équipe, justement. Donc, des connaissances des modèles, des tendances. On voit que les exigences vont différencier d'un endroit à l'autre, selon le salaire aussi. Mais ça va vraiment avec ce que par exemple, l'employeur recherche directement. C'est sûr que de façon... général, les emplois qui touchent plus de 50 000 $ par année, c'est souvent pas à la première année que vous allez y rentrer. Oui, OK. Pensez-y. C'est quelque chose qui peut tout simplement être à échelle. Donc, vous commencez la première année, vous allez commencer, par exemple, je sais pas moi, à 35 000 $ par année. Mais si vous faites un excellent travail qui rentre justement dans ce qu'on disait tout à l'heure, les fameuses exigences que chaque employeur va vous demander, eh bien, ça peut très vite monter. C'est ça qu'il faut garder en tête aussi. Et il y a une panoplie d'emplois comme ça au Québec qui sont quasi méconnus. Comme je le disais tout à l'heure, quasi inconnu parce que, bon, on se rend pas compte que le prix pourrait être celui-là. On pense souvent que ça pourrait être moindre, mais on fait pas nécessairement les recherches pour voir jusqu'à quel point ça pourrait être avantageux pour nous. Alors, tout le temps penser que, justement, ça peut être très avantageux pour nous d'aller faire un petit peu plus de recherches approfondies du côté des exigences, mais aussi du côté de l'employeur. Mm-hmm. Parce que si vous, par exemple, rentrez au SCRS, il y a de fortes chances que vous ayez, par exemple, bien des assurances, un régime de retraite, chose que, parfois, vous n'aurez pas ailleurs. Donc, ça... Faut les compter, quand même. C'est ça. Faut les compter. Ça a une valeur. Et lorsque vous passez votre entrevue, bien, tout simplement, poser les bonnes questions aussi. Ça peut faire en sorte que vous allez peut-être avoir un petit boost de plus côté inspiration pour pouvoir travailler dans cet endroit-là. Ouais. Voilà. Résumé, je choisissais pas les communications.

dans ta playlist pour ta maudite deuxième. Tout est OP, la con qui me cherche, tu lâches au quartier. Le type est tombé déchaîné, tout sa place sur le corner. Roger, Mila, just comme Roger, Mila. Roger, Mila, just comme Roger, Mila. Ça y est, je suis dans la surface. Paraît-il que je suis prince de la front trap. Non, c'est pas pris la grosse tête. J'prends la 2 entre Best Buy et Jaurès. 19ème, c'est ma zone et c'est tout ce que j'aime. Ma qui dit l'air que j'suis pas là. J'termine le projet entre deux dates, gros. Et c'est pas facile. On reproduit le move dans toutes les villes. Tout est parti d'un freestyle à l'hôtel. Entre moi, j'ai fini sur un zénith. C'est le staff qui paye. Maintenant, j'peux dormir sur mes deux oreilles. Et y'a pas de secret. J'me suis méfié des traites et des conseils. Tout est OP, la con qui me cherche. Lâche au quartier, les types sont déchaînés. Tous en place sur le corner. Roger, Mila, dans ce camp Roger, Mila. Roger, Mila, dans ce camp Roger, Mila. Tout est OP, la con qui me cherche. Tu lâches au quartier, les types sont déchaînés. Tous en place sur le corner. Roger, Mila, dans ce camp Roger, Mila. Roger, Mila, dans ce camp Roger, Mila. Roger, Mila, dans ce camp Roger. M.H.D. avec Roger Mila. Ça, c'est un artiste que, en fait, cette chanson-là a été utilisée pour la publicité pour les maillots dont on parlait avec Dominique Nombavoumou tantôt. Exactement. Monsieur qui est un ancien joueur de football camerounais, Roger Mila. Toujours à Assemblage Rocky, on prend une pause et au retour, plus tard en fait, dans une demi-heure environ, on va voir Marc-Olivier Dumas. Tout à fait, on va continuer à parler de sport. Absolument, mais avant ça, on va faire après le crime, ça se passe dans 2 minutes, reste là. Assemblage Rocky, Roger Mila. Toi aujourd'hui, Assemblage Rocky. Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. Assemblage de qui? Pour toi aujourd'hui. Assemblage de qui? Assemblage de qui? Pour toi aujourd'hui. Assemblage de qui? Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage de qui? Troisième heure d'Assemblage requis en ce mardi 7 novembre 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. On est seul pour un petit bout de temps jusqu'à l'arrivée de Marc-Olivier Dumas dans une demi-heure pour Sport et Filoché, ce qui nous donne juste assez de temps pour parler de gens qui font des choses répréhensibles. OK, oui. Voici Après le crime. Après le crime, oui, la chronique des gens qui font des choses pas correctes du tout. Et on commence avec une nouvelle peut-être un petit peu plus répandue que les autres. C'est ma nouvelle un petit peu plus insolite, plate. Mais j'ai trouvé le fun à lire quand même parce qu'une erreur de traduction de Facebook qui a envoyé quelqu'un au poste de police. As-tu entendu parler de cette nouvelle-là? J'ai semi-entendu parler de cette nouvelle-là. Mais tu veux les détails, je te gâche. Oui, exactement. Ouais. Les algorithmes utilisés pour traduire des textes peuvent parfois faire le mauvais choix lorsqu'un mot a plusieurs sens. Des approximations qui ont failli envoyer un homme en prison. Les outils de traduction sont censés aider les gens ne parlant pas la même langue langue à se comprendre, mais parfois les algorithmes bug et certaines erreurs prêtent à sourire, d'autres ont des conséquences plus graves, selon le quotidien israélien Haaretz. La police, oui, a en effet arrêté un Palestinien à mi-octobre en s'appuyant sur la mauvaise traduction fournie par Facebook d'un de ses posts. L'homme avait mis sur sa page une photo où il posait devant un bulldozer sur un chantier de construction à proximité de Jérusalem, accompagné de « Bonjour à tous » en arabe en guise de légende. Sauf que la traduction automatique proposée par Facebook a traduit cette légende en « Attaquez-les » en hébreu ou en « Blessez-les » en anglais. « Bless them » comme « Bless » comme dans « Bénir », hein, je me dis, je sais pas. De quoi inquiéter que certains citoyens qui ont alors envoyé une copie du message aux autorités. Les arabophones ont expliqué au quotidien que le problème venait de la transcription faite par Facebook qui correspondait à aucun mot arabe actuel, mais pouvait s'approcher du verbe « blesser ». D'où son utilisation pour la traduction finale. Une autre source a indiqué à Times of Israel qu'il n'y avait qu'une lettre d'écart entre les expressions en arabe local « Bonne journée à tous » et « Blessez-les », ce qui pouvait aussi induire en erreur l'algorithme de Facebook. Ces mauvaises traductions associées à l'image d'un bulldozer, engin déjà utilisé dans de précédentes attaques terroristes, ont fait craindre le pire aux autorités qui ont arrêté l'homme en question. Elles ont toutefois rapidement compris l'erreur et ont relâché l'homme mis en cause, qui a tout aussi rapidement supprimé son post du réseau social pour éviter de nouveaux problèmes. L'outil de traduction automatique de Facebook n'est pas le seul à avoir du mal à traduire, des fois à faire du bon travail. Celui de Google repasse ainsi par l'anglais pour passer d'une langue à une autre, donc on revient toujours d'une langue à l'anglais à une autre langue. Donc pour traduire, il pleut des cordes du français vers l'italien. Le programme fait un premier travail qui donne « It's raining cats and dogs » avant de transformer la phrase en italien « E pioggia e gatti », ce qui n'a pas de sens en italien. C'est ridicule de passer par l'anglais. Ça, ouais. Surtout pour les expressions comme ça. Plus gênant encore, en janvier 2016, le service en ligne proposait une traduction entre le russe et l'ukrainien qui aurait pu causer un accident diplomatique. Le terme « Fédération de Russie » était en effet remplacé par « Mordor », le pays peu accueillant dominé par le Seigneur des Ténèbres dans l'univers de Tolkien. Quant au mot russe, il avait été traduit par « Occupant ». Pour la firme de Mountain View, un bug informatique était à l'origine de ce bug. C'est quelque chose. Oui, en effet. Ensuite, un enseignant remplaçant, et encore, je le répète une fois de temps en temps, une chronique qui s'adresse à un public plus ou moins averti, une fois de temps en temps. Donc, un professeur remplaçant qui ferme la bouche de ses élèves avec du duct tape. Ouais, il a été banni d'une école primaire du Texas. C'est une femme en passant. Donc, elle s'est fait bannir après avoir présumément mis du duct tape sur la bouche de ses élèves pour les garder silencieux, selon le Killeen Daily Herald. Au moment de l'incident, l'éducatrice remplaçait en classe de 5e année à Maxdale Elementary School à Killeen. L'enseignante, dont l'identité n'a pas été relâchée jusqu'à maintenant, est accusée d'avoir placé donc du duct tape sur la bouche de 10 élèves. Et on dit que 3 autres élèves ont mis du ruban adhésif sur leur propre bouche après que les bouches des autres élèves aient été fermées comme ça. Donc, Carmelo Brooks, un étudiant, oui, de 5e année dans cette classe, a enlevé le ruban adhésif de sa bouche seulement pour que le professeur ou l'enseignante lui mette un autre morceau sur la bouche. L'incident a duré environ 15 minutes. Ça a été découvert lorsque un enseignant de l'autre côté du corridor a entendu des bruits et est venu voir les étudiants, les élèves. Une infirmière de l'école a plus tard examiné les étudiants, les élèves. Chacun a pu retourner à sa classe plus tard. On a retiré l'enseignante de remplacement de la classe. J'espère, mon Dieu. Et on l'a empêché de revenir sur le campus. Aïe, aïe. Wow, hein? Évidemment, les services de protection des enfants ont été avertis, mais on ne sait pas si la police a participé dans cette histoire jusqu'à maintenant. Wow. Mm. Ensuite, la police allemande a essayé de faire payer une contravention à quelqu'un, 1 000 $, pour leur avoir pété dessus. Hein? Ouais, c'est à Berlin. Passer un petit peu de gaz, ça peut coûter cher. Dans le cas d'un homme qui a manqué de respect à les officiers de police en relâchant qu'une paire de pets après avoir été détenu par la police, selon CityLab, la police de Berlin a eu un scandale, donc passant par ces deux célèbres pets, hein, d'un homme qui s'est fait demander donc de montrer sa carte d'identité aux policiers alors qu'il faisait la fête un soir en février 2016. L'homme en question a été accusé d'avoir manqué de respect aux officiers en ciblant directement ses flatulences vers la policière et éventuellement il a dû payer 900 €, 1 066 $ US, dans ce que le média appelle le Error Pups Process, donc le Crazy Tooth Trial, donc le procès du pet fou. Wow! Il a dû se présenter en cours en septembre après avoir refusé de payer, bien sûr, ses 1 000 $. Et un juge a complètement tassé du revers de la main ce cas-là en moins de 10 minutes. Mais la situation a quand même amené un scandale politique sur les ressources policières qui ont été gaspillées pour ce non-crime. 18 mois, 23 officiers de la police, officiers publics, pardon, et 17 heures de temps officiellement qui ont été passés, bien sûr, sur l'argent des contribuables. On estime que ces deux paix ont coûté aux payeurs de taxes plus de $100 US. Wow! Ce qui est pas grand-chose pour le budget de la ville. Quand même, hein? Ça aurait pu être utilisé pour faire quelque chose d'un petit peu plus utile. Ensuite, une femme, encore une fois, public plus ou moins averti. Une femme a caché un nouveau-né dans une poubelle en dessous de serviettes de papier ensanglantées. C'est une femme de la Floride qui est accusée donc d'avoir maltraité un enfant après avoir mis sa fille nouvellement née dans une poubelle et l'avoir couvert de serviettes de papier ensanglantées, selon le Sun Sentinel. C'est Ruby Ramirez, 25 ans, de Fort Lauderdale, qui était à l'hôpital avec des douleurs abdominales. Sa mère l'a trouvée dans la salle de bain en train de saigner, a appelé à l'aide. Donc, on parle d'une fille et non pas d'un bébé. Oui, c'est ça, on parle du bébé tantôt, excuse-moi. Oui, je voulais juste être sûr qu'on parle au début du bébé. Là, on parle ici de la fille de 25 ans. Sa mère l'a retrouvée dans la salle de bain. Docteur Judson Krosny a demandé à Ramirez si elle était enceinte. Elle a dit non. Krosny a cherché dans la salle de bain, a trouvé le bébé nouvellement né dans la poubelle, en dessous d'une pile de, comme je disais, de serviettes imbibées de sang. Krosny croit que Ramirez a accouché du bébé jusqu'à la fin. L'enfant qui respirait était vivant lorsque trouvé, est présentement en famille d'accueil avec le Florida Department of Children and Families qui mène une enquête là-dessus. Lorsqu'elle a été interviewée par la police, Ramirez a dit qu'elle ne savait pas qu'elle était enceinte et que le bébé est que le bébé est tombé dans les poubelles. Oh, ben oui, ben oui. Tu te promènes, plup, plup, plup, c'est ça, plup, puis tu le laisses là. Dans la poubelle, hey, puis tu mets des serviettes de sang par-dessus. C'est ça, plup. Franchement. C'est tout à fait logique. Et donc, la femme a plus tard admis qu'elle savait qu'elle était enceinte. L'enfant a ouvert les yeux après la naissance. À ce point-là, Ramirez a confessé qu'elle avait mis le bébé dans la poubelle elle-même, selon le rapport de la police. Jeffrey Bloom, qui est l'avocat de Ramirez, croit que sa cliente a des problèmes de santé mentale, sans blague. Non, pas vrai. Ouais, donc la police a amené Ramirez le 5 octobre et elle a été hospitalisée depuis ce temps-là. Elle a plaidé non coupable à des accusations d'avoir abusé d'un enfant sans lui avoir trop fait de mal physique et aussi de l'avoir laissé pour compte, donc on appelle ça desertion, donc de l'avoir déserté, de l'avoir laissé derrière. Mm-hmm. Un juge a accepté qu'elle puisse sortir à $5,000 de caution, mais lui a demandé de ne pas avoir de contact avec le bébé. J'espère bien. Ensuite, une femme qui a volé un homme, donc dérobé le portefeuille d'un homme alors qu'il était en train d'avoir une crise au 7-Eleven dans un dépanneur. Donc, on parle d'une crise, j'imagine, d'épilepsie ou quelque chose comme ça. Donc, c'est en Utah que ça se passe, où la police est à la recherche d'une femme qui aurait volé un homme après qu'il ait eu une crise dans un 7-Eleven de Midvale. Donc, c'est une vidéo qu'on peut voir sur assemblagerequis.com, la station de télé KSTU, qui montre la femme en train de voler la carte de crédit d'un homme alors qu'il est sur le plancher en train de souffrir d'une crise. Donc, le suspect est aussi vu en train de passer par-dessus l'homme. Donc, vraiment, marcher par-dessus là, pour l'éviter et sortir du magasin sans demander d'aide du tout. La police dit que la carte de crédit volée a été utilisée en ligne un court moment après l'incident du 4 octobre dernier. Donc, pendant qu'il était par terre, une cliente est donc allée derrière le comptoir est allée chercher dans sa poche d'en arrière la carte de crédit. On peut voir la vidéo où la personne enlève le portefeuille et enlève le permis de conduire. Oui. Et cherche la carte de crédit directement. Mm-hmm. Donc, le Unified Police Department, à l'origine, disait que la victime était un employé du dépanneur, mais plus tard, on l'a identifié. C'était finalement Dustin Malone, un client qui avait déjà travaillé au magasin. C'est pour ça qu'il était à l'arrière du comptoir. Donc, j'imagine qu'il était ami avec la personne qui travaille là. Je ne sais pas trop quoi. Bref, les circonstances, on ne les connaît pas trop. C'est vraiment une crise d'épilepsie que l'homme a eue. C'est rare qu'il ait des crises en public, mais en même temps, on s'en fout, hein? Oui, c'est l'important, ça. C'est qu'il y a eu une crise d'épilepsie. Il était complètement dur. Ses yeux roulaient par en arrière. Il a perdu conscience. Il est tombé par terre. Et c'est là que ça s'est passé. Malone a travaillé comme médic dans l'armée pour la garde nationale. Il a dit qu'il a réalisé que sa carte de crédit et son permis de conduire étaient partis. Il a alerté la police. Il se rappelle avoir reçu un message texte le lendemain que quelqu'un avait fait une commande de $130 avec sa carte de crédit. C'est quelque chose. C'est une enquête qui continue en ce moment. Donc, par le Unified Police Department. Il y a des gens qui n'ont aucune conscience. Justement, parlant d'aucune conscience et parlant encore une fois de public plus ou moins averti pour cette chronique, c'est un enfant qui décède noyé dans de la graisse à l'extérieur d'une boutique, d'un petit restaurant de crème glacée, si on veut. Donc, c'est un enfant de 3 ans de l'Alabama qui s'est noyé dans ce qu'on appelle un grease pit, donc un trou de graisse, à côté d'un restaurant de Auburn, un restaurant de crème glacée. C'est selon AL.com qui nous dit que Sadie Grace Andrews est tombée dans un réceptacle à graisse. 6 pieds de profond quand même, chez Brewster's Real Ice Cream vers les 13h dans l'après-midi. La vidéo qu'on peut... qu'on ne peut pas voir parce qu'elle a été enlevée de Facebook. La vidéo qu'on aurait pu voir montre donc la fille en train de jouer avec ses deux frères et sœurs, et puis il tombe à travers le couvercle du réceptacle à graisse, à huile. Donc l'enfant était introuvable pendant 5 à 10 minutes. Quelqu'un l'a trouvé dans la trappe, et la famille et les employés du restaurant ont essayé de la réanimer. Et puis le coroner de Lee County, Bill Harris, a dit dans un communiqué de presse que c'est ce qui s'est passé. Les paramédics ont transporté Andrews pour à l'hôpital le plus près. Elle a été prononcée morte. La police traite la mort de Andrews comme accidentelle, et on ne croit pas qu'il se soit passé quelque chose d'autre. Donc c'est simplement un accident, même si en tant que tel, je veux dire, comment ça se fait que la trappe est aussi accessible? Mm-hmm. C'est peut-être plus le restaurant qui est à blâmer là-dedans. Probablement, oui, c'est ça. Bref, il y a une levée de fonds sur YouCaring pour couvrir les funérailles de la jeune fille. Ça a accumulé plus de 13 000 $ US en date de l'article. Sadie laisse derrière elle 5 frères et sœurs. C'est triste. Très triste. Ensuite, on a un autre enfant qui se noie, cette fois-ci dans un seau de mop avec de l'eau sale. Quoi? Alors que sa mère, qui prend des méthamphétamines, dormait. Oh non! Ouais, ça se passe à Tulsa, en Oklahoma. Une fille dont le fils de 8 mois s'est noyé dans un seau à mop sale. La femme va passer 15 ans en prison. Pourrait passer, on s'entend que ça, c'est pas toujours exactement ça. Selon KOTV, Heather Freeman, 26 ans, va servir aussi 10 ans de probation en connexion avec la mort de Jackson Anouchot. Anouchot était donc face par en bas dans le seau à mop le 6 mars dernier et mort le lendemain. Freeman aurait dit aux officiers de police qu'elle avait mis son fils sur le lit à côté d'elle et qu'il est tombé en roulant. Il est tombé dans le seau pendant son sommeil. Selon l'examen médical, on a confirmé que Anouchot était mort par noyade. KOKI a dit en mars que Freeman était la seule adulte à la maison à ce moment-là. Elle disait que une paire de jumeaux de 2 ans et son enfant de 4 ans étaient dans une autre pièce. Le Department of Human Services, l'équivalent de la DPJ, a pris les 3 enfants sous sa charge après la mort de Anouchot. La prosecution a accusé Freeman le 5 juillet après qu'elle ait testé positif pour l'utilisation de méthamphétamine et d'amphétamine. La station locale note que Anouchot avait de la marijuana dans son système lorsqu'il est né. On parle du garçon qui est mort, il avait de la marijuana dans son système quand il est né. Wow. En plus de ça, une plainte criminelle obtenue par Tulsa World accuse Freeman d'avoir permis à l'enfant d'ingérer des méthamphétamines et de l'avoir gardé dans des conditions déplorables pendant sa vie. Mm-hmm. Donc le cas est maintenant en procès. Freeman, à l'ultime, a plaidé coupable pour négligence familiale. Ensuite, un homme qui a sexuellement abusé d'animaux sort de prison et évite la castration chimique qu'il a lui-même demandé. C'est un homme de l'Indiana, donc avec une longue historique d'abus sexuels envers des animaux, qui va être libéré en fait de la prison fédérale sans avoir eu sa castration chimique. C'est le Chicago Tribune qui nous dit que le juge Philip Simon a donné une sentence à Michael Bessigano, 46 ans. Ce qu'on appelle en anglais time served, donc qu'il a déjà servi sa sentence, lui a demandé en fait d'aller pendant un an en sortie supervisée. La demande du juge Simon ne contenait pas de castration chimique, alors que Bessigano avait lui-même demandé ça comme condition pour pouvoir sortir de prison. Donc il avait demandé « J'aimerais qu'on me castre. » Mm-hmm. Que je sois castré, c'est ça le verbe? Oui, c'est à peu près ça. Bessigano a été mis en prison en janvier dernier pour avoir fait des choses obscènes sur un service informatique interactif. C'est-à-dire qu'il a violé sa probation en 2009. Il avait plaidé coupable en cour fédérale d'avoir reçu de la pornographie ayant un lien avec les animaux. Et il a été relâché sous supervision en 2010. Et donc, il a enfreint sa probation en utilisant un service interactif en ligne obscène, tu comprends. Okay. Donc, l'homme de l'Indiana a été arrêté pour avoir présumément sexuellement abusé d'un poulet en 2001. et d'un autre animal, un guinea fowl, je crois que c'est une volaille, en 2014. Je pourrais pas te dire c'est quoi en français. Un homme à volaille, finalement. C'est un homme à volaille. Il aime ça avec la sauce brune, toi. Ben, là, tu parles d'une poule puis d'un autre. T'as raison. Ouais. Il aime les plumes. Malheureusement, on peut pas... On peut pas en rire du tout. Ouais, il aime les poulettes, c'est ça que tu veux dire. Non, on peut pas en rire parce que... C'est pas ce que j'ai dit. Parce qu'il a tué les deux animaux. Non! Ouais. Les papiers de la cour indiquent non, que son, ses abus d'animaux de Bessigano remontent jusqu'aux années 1990. Il a commencé à utiliser une drogue qui s'appelle un médicament qui s'appelle Dipo-Lupron qui faisait baisser son niveau de testostérone. Donc il a commencé à prendre ce médicament-là pour pouvoir sortir de prison un petit peu plus tôt. Donc c'est pas de la castration, mais c'est comme une autre étape moindre. Malgré sa longue historique, le professeur associé de la Johns Hopkins University School of Medicine, Fred Berlin, a dit en juillet que Bessigano, avec traitement, pourrait exister dans la société sans poser un réel risque. Le juge Simon a demandé à l'homme de 46 ans de participer à un traitement pour les sex offenders, donc les criminels sexuels, mm-hmm. et un programme de monitoring aussi, en plus d'un programme de santé mentale. Le Tribune dit que les officiers de probation fédéraux vont surveiller son ordinateur et son utilisation de téléphones cellulaires. Toute qu'une histoire, celle-là. Mm-hmm. Ensuite, en vous rappelant encore une fois que cette chronique est pour un public plus ou moins averti, une petite fille de 9 ans est morte après que sa cousine de 325 livres se soit assise dessus comme punition. Ouh, d'accord. Donc, une jeune fille de la Floride est morte après que sa cousine de 325 livres, oui, se soit assise dessus. Selon le Pensacola News Journal, Veronica Green Posey, 64 ans, a été accusée d'homicide avec cruauté envers un enfant en connexion avec la mort de Derica Lindsay. Lindsay, donc, qui a été trouvée sans réponse dans sa maison de Pensacola à 13h35. Elle a été amenée à l'hôpital local où on a dit qu'elle était morte, finalement. Selon le dossier d'arrestation obtenu par le journal, Posey a dit aux députés qui avaient répondu à ces questions, qu'elle s'était assise sur Lindsay comme punition parce qu'elle était hors de contrôle. OK. Les choses ont mal tourné lorsque Lindsay aurait présumément dit que les... elle a dit aux adultes qui étaient présents là-bas, donc il n'y avait pas juste eux. Il y avait d'autres adultes qu'elle ne pouvait pas respirer et c'est là que Posey s'est levé et a essayé de la réanimer. Posey a dit aux députés qu'elle pesait 325 livres. Le News Journal a aussi dit que la police a arrêté les parents de la victime, Grace Jones Smith, 69 ans, et James Edmund Smith, 62 ans, les accusant de négligence pour ne pas avoir rapporté ces faits à la police. Donc, la relation biologique entre les parents et l'enfant ne sont pas tout à fait claires. Grace est aussi accusée de cruauté envers un enfant, mais on ne sait pas si ça a un lien avec l'incident dont je viens de parler. La DPJ locale, Florida Department of Children and Families, a révélé dans un communiqué de presse au journal local que l'agence avait précédemment communiqué avec la famille de Pensacola, donc ce n'est pas la première fois. Les dossiers de prison indiquent que Posey a pu être relâché après 125 000 $ de caution. Grace et James sont présentement en prison avec 75 000 et 50 000 $ de caution, respectivement, en date de l'article. Ensuite, un fils de député qui aurait pris la voiture de son père, la voiture de police de son père, pour aller commettre un vol. Hey. OK. OK. Donc, c'est Christopher Glenn Coombs qui, dans le fond, a pris la voiture de patrouille non marquée. Donc, c'était pas une voiture de police avec les couleurs de la police dessus. C'est une voiture générique de police. Donc, du lieutenant shérif de Palm Beach County, c'est-à-dire son père. Oh, OK. Donc, le député shérif... C'est ça, sheriff's deputy, c'est député shérif? Bref, de Broward County dit avoir arrêté l'homme de 22 ans. Donc, le rapport d'arrestation obtenu par WPBF dit qu'il a conduit la voiture jusqu'à la ville de Pompano Beach. Il est accusé d'avoir allumé les lumières et d'avoir arrêté, en fait, mis sur le côté de la route, là, son ex-copine. OK. Elle conduisait avec son nouveau copain. Et Coombs l'a volé apparemment, ce copain-là. Lui a dérobé de l'argent ou peu importe ce qu'il a fait. Les députés disent que le suspect a pointé son arme sur la tête de l'homme, donc le nouveau copain de l'ex du gars. Ouais. Le père de Coombs, donc à qui appartient la voiture de police, n'était pas en ville à ce moment-là, selon les autorités. Le suspect lui-même était apparemment un cadet avec le programme explorateur de PBSO, donc le Sheriff's Office. Les dossiers de Broward County Jail obtenus par Law News montrent que Coombs est accusé de vol au premier degré, imitation d'un officier de police au troisième degré et deux accusations de false imprisonment, donc d'avoir arrêté quelqu'un sous de mauvais prétextes. Franchement! Au troisième degré. Donc, c'est ça. On ne sait pas encore s'il a un avocat, mais... J'espère qu'il y en a un bon. J'espère qu'il va s'en trouver. Quelqu'un va être capable d'accepter une cause comme celle-là. En théorie, je pense que toutes les causes sont acceptées. Ouais, c'est ça. Dépendant ça dépend de ton avocat. Ça dépend de leur conscience. Exactement. Exactement. Ensuite, c'est un appel 911 qu'on a sur Internet en ce moment. Après qu'une mère ait présumément mis ses deux petits garçons, encore une fois, public averti, dans le four. Dans le fourneau. J'ai vu passer ça. T'as vu ça? Oui. Les autorités ont appelé le 911, donc après qu'une femme d'Atlanta ait mis ses deux garçons, présumément, à l'intérieur d'un fourneau, ce qui les a tués, présumément. Donc, selon Crime Online, la police a arrêté Lamora Williams, 24 ans, l'accusée de deux chefs d'accusation de meurtre, oui, après avoir, présumément, tué ses deux fils, Jacarter Penn, 1 an, et Keonti Penn, 2 ans. Selon l'arrestation, elle est accusée d'avoir allumé le four après avoir forcé ses deux enfants à monter dans le four dans son appartement d'Atlanta. Le plus vieux fils de la suspect a 3 ans et n'est pas blessé dans cette situation-là. Williams dit qu'elle a laissé ses garçons avec un gardien ou une gardienne le jour d'avant. Elle dit que lorsqu'elle est revenue, elle a trouvé ses enfants morts et le gardien ou la gardienne était introuvable. Mais selon le porte-parole de la police de Fulton County, on ne croit pas que la mère les ait laissés avec un gardien ou une gardienne, que c'était vraiment la mère en tant que telle qui l'avait fait. Aïe, même si elle dit le contraire. La police a arrêté Williams pour suspicion de meurtre. Et puis, elle n'est pas allée en cour pour sa première apparition. Elle était supposée y aller. Elle n'est pas allée. Voilà. Les autorités, présentement, attendent l'autopsie par rapport aux enfants. Et vous pouvez entendre l'appel du 911 si ça vous intéresse sur assemblagerequis.com. Évidemment, votre discrétion est quand même recommandée. Ensuite, on a un homme qui a été arrêté pour avoir abusé d'enfants jusqu'à l'âge, d'enfants aussi jeunes que 6 mois. Mais on l'a arrêté après avoir trouvé son journal intime. Oh mon Dieu! En fait, son journal intime a été envoyé aux personnes mentionnées dans l'article par une personne anonyme. Donc on a simplement... on avait des morceaux de journal intime qui étaient déchirés. On les a recollés ensemble pour réussir à finalement sortir ces faits-là. Donc c'est la police de la Géorgie qui a arrêté un homme qui aurait donc violé des enfants, dont un enfant, comme je disais, de 6 mois, selon son journal intime. C'est Timothy Springer, 31 ans, qui a été arrêté après avoir eu un petit cue par quelqu'un qui a contacté la Paulding County Sheriff's Office. Donc c'était au mois de juin. Donc, comme je dis, le journal était défait en morceaux. Ça décrivait plusieurs rencontres où Springer aurait violé deux enfants dans le Dakota du Nord, des victimes qui vont entre 6 mois et 2 ans. On a réussi à identifier une des mères des victimes via son journal intime et elle a pu vérifier, en fait, confirmer la ligne temporelle des événements dans le journal intime. Une autre victime a été située plus tard, identifiée. Les deux enfants ont maintenant 12 ans. Les enquêteurs ont posé des questions à Springer par rapport au journal intime et il a confessé. Il s'est confessé et il parle aussi de d'autres exemples d'abus sexuels qu'il n'avait pas écrit dans son journal qui ont eu lieu aussi dans le Dakota du Nord. Voilà. Présentement, il est en prison avec $1 million. De... Ça va tellement pas bien là, dans ta tête. Absolument. Absolument. Ensuite, ouais, il faut avoir le courage de continuer avec l'autre article. Oui, c'est ça. Donc, c'est une... C'est, les masculins et féminins... C'est une danseuse de la Floride qui a poignardé son partenaire dans les yeux. Il lui a forcé aussi à insérer un morceau de bois dans sa gorge pendant une chicane au sujet du cannibalisme. Mais voyons donc! C'est la police de la Floride qui a arrêté... Oui, un suspect accusé d'avoir tué son partenaire pendant une dispute sur le cannibalisme selon le Palm Beach Post. C'est Justin Calhoun, 24 ans, qui a été arrêté au mois d'août après avoir présumément poignardé son partenaire Mark Brann dans les deux yeux avant de mettre un morceau de bois dans sa gorge. La police appelle ça un des cas de meurtre les plus brutales dans l'histoire récente des Key West. Calhoun, qui apparemment travaillait comme danseuse, aurait aussi battu, frappé Brann avec un... un bureau à linge, tu sais, où tu mets tes vêtements, un bureau. Là. Donc, elle aurait pris un bureau et l'aurait frappé sur la tête, oui, selon le FL Keys News. La violence était donc après un incident, une chicane sur le cannibalisme, comme je disais tantôt, où la femme de 24 ans aurait accusé la victime de 67 ans d'avoir mangé des gens. Ah boy! Le journal dit que... en tout cas, bref, le reste des détails, il y en a plusieurs. Là, mais Calhoun aurait essayé de quitter la scène. Mais on l'a trouvé, finalement, alors qu'elle était en train de sortir par la fenêtre d'une chambre alors qu'elle était nue. Voilà. Oh boy! Wow, hein? Les détails! Le monde que ça prend pour faire un monde! Ça n'a pas de sens, hein? Ensuite, je vais aller avec quelques petits derniers. Allons-y avec, avec celle-là, tiens. Une femme qui a volé des cartes de crédit et des livrets de chèques de victimes de feux de forêt. Ça se passe à Petaluma, en Californie. Une femme a été arrêtée pour avoir présumément volé de l'argent de victimes de feux de forêt. Selon le Petaluma Argus Courier, la police a arrêté Katie Linhard, 31 ans, pour vol de courrier et fraude. Donc, les victimes de Leonard, supposément, étaient des évacués de Santa Rosa, les feux de forêt, bien sûr, qui sont, ils sont présentement dans des maisons, pas d'accueil, là, mais des endroits où les gens vont se réfugier à Petaluma. Donc, le San Francisco Gate dit qu'une victime d'un feu de forêt comme ça a informé la police de charges frauduleuses sur sa carte de crédit ou sur son compte de banque. Et à partir de là, les officiers ont pu lier des chèques annulés à Leonard, qui avait un permis d'arrestation ouvert, qui est présentement en probation. Donc, on a cherché, on a réussi à trouver des preuves. Les officiers ont situé, ont localisé des informations d'identification personnelle par rapport à Leonard, des cartes de crédit et des chéquiers qui appartenaient à plusieurs victimes de feux de forêt à Santa Rosa et à Petaluma. Et en plus de ce vol de courrier-là, entre autres, les autorités croient que Leonard a aussi volé des véhicules, dont certains qui avaient été abandonnés dans des quartiers qui avaient pris en feu. Elle a été arrêtée, amenée à la Sonoma County Jail. Et puis, on dit que c'est pas clair quelles accusations vont avoir lieu, en tout cas en date de l'article. On dit qu'on travaille pour localiser encore plus de victimes de Leonard et calculer combien d'argent elle peut avoir fait là-dessus. Le département policier recommande aux résidents qui ont perdu leur maison de contacter le United States Postal Service, donc le service des postes, pour rediriger leur courrier. Sinon, y a des gens comme Mme Lenhard ici qui vont aller voler le courrier des gens qui sont même pas à la maison. Hein? Et on dit aussi de protéger ces informations, même si la maison a pris en feu, de détruire les documents qui pourraient être ailleurs. Et bon. Voilà, je vais arrêter ici. On continuera le bloc après le crime une autre fois. Les liens sont sur les notes de l'émission sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission numéro 1151. On prend une pause. Au retour, Marc-Olivier Dumas va être là. Marc-Olivier, qui est déjà avec nous pour Sport et Filoché. Qu'est-ce qui s'en vient tantôt, Marc-Olivier? Eh bien, on va parler de hockey. On va parler un petit peu de soccer parce que c'était les éliminatoires qui débutaient, même si les Patriots n'y étaient pas. Football aussi, la Coupe Dunsmore aura lieu cette fin de semaine. Donc, plusieurs beaux sujets. Après, ces sujets dignes de films d'horreur. Absolument! Oui. Merci, Marc-Olivier. Dans deux minutes, Sport et Filoché. Restez avec nous. Pour toi aujourd'hui, assemblage de qui? Oui, oui, oui, oui, oui. C'est fou, 89. Assemblage de qui? De retour dans l'émission Assemblage requis avec Tania Baudin et Mathieu Plante. Mais aussi Marc-Olivier Dumas. Ça va bien? Oui, toi. Oui, j'attends que tu finisses ton bien avant de t'allumer. Je sais comme je voulais pas embarquer dans le ça a l'air bizarre. Bon matin. Refais-le. Non. Non? Je trouve ça drôle. Donc, c'est Marc-Olivier Dumas. Pourquoi est-ce qu'il est là? Ben, pour parler de sport. Donc, et le voici dans Sport et Filoché. Pars-moi la musique. qu'on se tanne jamais de mon vieux thème. Hein? Oh, qu'on se tanne absolument jamais ton vieux nouveau thème, parce qu'il est nouveau pour nous. Ouais, pour vous, mais c'est, en fait, c'était le thème que j'utilisais l'année dernière pour mon émission Patriote en action. Ouais. Que j'ai décidé... Tu l'as abandonné pour une musique de cirque et de petits lutins? Hein? Non. Non. Oui, oui, oui. Ben oui. Oh, oui. Non. Ben oui. Mais non. Ben oui. Mais non. Fait qu'à la place, on l'a pris, nous autres, parce que ça fait rock. Ben oui. Ça pour se réveiller. Mais l'autre aussi fait rock. Bah. Écoutez, Patrick en action, et vous nous direz si ça sonne comme une petite musique de lutin. Ça fera passer juste le thème. Ah, hey, ben c'est pas une mauvaise idée, ça. Hein? En tout cas, à la fin de ta chronique. Oui. Tu m'en reparleras. on est là pour parler de sport, que ce de soit. Sport? Oui, c'est le nom de la chronique Sport et Filoché. Donc, on parle de sport soit à l'intérieur de l'UQTR, à l'intérieur de Trois-Rivières, la Mauricie, le Québec. C'est pas mal ça, des fois un petit peu plus loin, mais pas ben. Les Jeux Olympiques, oui. Oui. Pas mal ça. Mais même si on parle du Québec, je parlerai pas de Georges Saint-Pierre qui a gagné cette fin de semaine. Mais je l'ai dit parler. Ah! Faut tout le temps qu'il insère ça. Oui, il fallait que je l'insère. Mais en fait, pour ceux... Ben moi, je pensais personnellement que Georges Saint-Pierre avait pas vraiment de chance dans ce combat-là. Donc, je suis agréablement surpris de cette victoire-là. Mm-hmm. Bon, je m'explique pourquoi je pensais pas que Saint-Pierre avait une chance. Ça faisait 4 ans qu'il s'était pas battu dans un octogone. Ça faisait 4 ans qu'il avait pas eu de vraie compétition. Le sport avance, tout ça. Donc, je pensais pas qu'il allait être capable de tenir le rythme, tu sais, la différence dans le sport. Donc, je croyais vraiment que Saint-Pierre allait s'incliner, mais... Il m'a prouvé le contraire et je suis très heureux qu'il ait réussi à me prouver le contraire, justement. Ouais. T'as bien aussi été contente hier. Mm-hmm. Ouais. Oui. Tout à fait. C'est une très, très belle victoire de sa part. Et en fait, le petit commentaire que j'aimerais passer par rapport à ça, c'est que par la suite, j'ai vu certaines personnes qui sont qui encouragent beaucoup nos athlètes ici faire des messages d'encouragement à Georges Saint-Pierre. Puis, bon, je suis très heureux qu'on l'encourage. Mais ces mêmes personnes-là, des fois, vont bouder certains autres athlètes qui se démarquent au niveau professionnel. Des fois, dans des sports moins connus, du genre Charles Hamelin ou Kingsbury, mm-hmm. qu'on va entendre parler une fois aux 4 ans. Et à mon avis personnel, c'est ces personnes-là, c'est ces athlètes-là qui ont le besoin de le plus d'appui parce que c'est eux qui cherchent. Tu sais, au final, ils font pas beaucoup d'argent avec leur sport. Eux autres, ils cherchent des commanditaires sans cesse. Il faut qu'ils se battent pour aller chercher chaque dollar, alors que Saint-Pierre, ben, avec chaque combat, il fait des milliers de dollars. Donc, tu sais, j'aimerais ça qu'on puisse encourager aussi nos athlètes qui performent à l'extérieur, dans des sports qui sont peut-être moins connus, certes, mais qui sont tout aussi dominants et des ambassadeurs pour leur sport. C'est sûr. C'est vrai. Donc, je suis bien d'accord. Ouais. On va commencer aujourd'hui pour les résultats sportifs avec le soccer, bien que les Patriotes n'étaient pas présents en éliminatoire autant du côté masculin que féminin. Je pense que c'est important de commencer avec des séries éliminatoires. C'est des matchs peut-être un petit peu plus importants que certains matchs de saison régulière, tant des plaises à certains. Donc, cette fin de semaine, du côté masculin, les deux matchs de demi-finale avaient lieu le vendredi soir. C'était McGill, les Redmen de McGill qui étaient au Sepsum pour y affronter les Carabins de Montréal. Les Carabins l'ont emporté 3-0, bon. Donc se donnait un billet pour la finale. Dans l'autre de demi-finale, c'était présenté au stade TELUS de l'Université Laval. Les Citadins de l'UQAM affrontaient le Rouge et Or de l'Université Laval. Et ça a été un match très, très serré. Victoire de 2-1 de l'UQAM qui a vaincu Laval qui était favori dans ce match-là en prolongation. Donc une belle victoire pour les Citadins qui avaient un rendez-vous avec leur rivaux montréalais en finale. Mm-hmm. Eh bien le match s'est conclu, avait lieu dimanche au Sepsum. Victoire de 2-1 des Carabins en fusillade. Ah ouais. Hein. Rien de moins. Donc un match un peu plus serré. C'était très très serré entre ces deux équipes, coude à coude. Les fusillades au soccer, souvent dans les matchs éliminatoires... Parce que là, t'as pas le choix d'avoir un gagnant. Oui, c'est ça, exactement. Donc, pour avoir un gagnant, comment qu'on fait? On va... Bon, on fait de la prolongation. Ouais. S'il y a pas de gagnant après ça, on va en fusillade. T'sais, c'est pas comme au hockey où on continue à jouer... Jusqu'à temps qu'il y ait un gagnant. C'est ça. En éliminatoire, on continue à jouer jusqu'à temps que quelqu'un marque un but. Mmh. Bien, le soccer ont des règles différentes, comme on peut le voir aussi du côté féminin, parce que dans les deux demi-finales, un des deux demi-finales a été en prolongation. Donc la première demi-finale, c'était Sherbrooke qui visitait l'Université Laval au stade TELUS. Victoire de 2-0 de Laval. Et dans le second match, Montréal recevait McGill. Et Montréal l'a emporté 3-0, mais en prolongation. Okay. Et là, tu dis 3-0 en prolongation. Ouais. Quand tu as un peu l'idée du hockey que le premier but finit le match. C'est clairement l'idée que j'avais. Ben, peut-être pas toi, mais peut-être les auditeurs qui nous écoutent. Au soccer, les règles de prolongation sont différentes. Il n'y a pas ce qu'on appelle le golden goal, le sudden death, comme on va dire, la mort subite. Au soccer, c'est 30 minutes. Peu importe ce qui arrive, on joue deux périodes de 15 minutes. Donc, tu peux marquer 15 buts dans ces 30 minutes-là. le jeu continue jusqu'à temps que le temps soit écoulé. Ouais. Donc ça donne des situations où, comme ça, Montréal a marqué 3 buts en prolongation, ou encore d'autres situations où une équipe va marquer un but. C'est arrivé à l'Euro il y a 2 éditions. Une équipe avait marqué un but, il restait 2 minutes à peu près à la prolongation, et l'équipe adverse était remonté, avait égalé la marque, ah ouais, et avait forcé la tenue de tir de barrage. Ça doit être assez excitant comme finale, ça. Oui, ouais, clairement. C'est bien rempli. C'est assez excitant, mais personnellement, je suis très partisan de la règle de mort subite. Tu marques un but, c'est terminé. Ouais. On cherche un gagnant. Mm-hmm. Premier but, merci, bonsoir, on a notre gagnant. La job est faite, ben oui. Voilà, ouais, on cherche un gagnant. Donc, on veut un but. Dès qu'on a notre but, à mon avis, la job est faite. Qu'on n'est pas gagnant. Une chose. Voilà. Ben oui. Mais bon, c'est des règles, c'est des mœurs que je vais dire différentes dans le soccer. Mœurs et mystères, comme on dit. Ouh. Je voulais juste dire ça pour pouvoir mettre ça comme titre d'épisode. OK. OK. donc, on a deux gagnants. Laval a remporté son match contre Sherbrooke, Montréal contre McGill. C'était la finale dimanche au Stade TELUS. Les représentantes du Rouge et Or ont vaincu les représentantes des Carabins 1-0 en prolongation. Donc, les Carabins qui reçoivent une première gifle du Rouge et Or, peut-être en avoir une deuxième cette fin de semaine lors de la Coupe Dunsmore. Mm-hmm. Ce qui nous amène justement au football universitaire. Oh! Eh bien, demi-finale québécoise. C'était les demi-finales un petit peu partout, en fait, au Canada, autant dans l'Ouest que dans les provinces atlantiques et l'Ontario. Bien, Sherbrooke était à Laval au stade TELUS pour la première demi-finale. Victoire facile du Rouge et Or, 45-0. Hey boy. Hey. C'est normal, ou... c'est très normal, en fait. Okay. Sherbrooke n'était pas vraiment dans le coup cette saison. Laval est vraiment trop fort. Donc, 45-0, c'est sans surprise que le Rouge et Or se donne un billet pour la finale. Et dans l'autre demi-finale, Montréal affrontait les Stingers de Concordia. Mm-hmm. Les Carabins l'ont emporté 42-20. Okay. Donc, mais quand c'est rendu... C'est une finale assez normale, hein, je te dis. Ouais. C'est un classique, là. C'est ça. J'ai pas les chiffres avec moi, mais je pense que c'est la 6e ou 7e finale consécutive entre les deux équipes. C'est peut-être le problème présentement du football universitaire, oui. C'est qu'il y a un manque de parité qui est flagrant. C'est tout le temps les mêmes équipes qui s'affrontent en finale, et à la longue, ben personnellement, je perds un peu de l'intérêt. C'est pas comme s'il y avait une rotation d'équipes. On le sait à chaque début de saison que McGill sera pas dans le coup, Concordia sera probablement pas dans le coup. Sherbrooke, quelques fois, ont pris la place des Carabins en finale. Ça fait quelques temps, d'ailleurs, qu'ils n'ont pas été là. Donc, il y a un manque de compétitivité dans cette ligue-là. Et je peux comprendre Bishop, quand même, d'avoir décidé de plier bagages pour les provinces atlantiques. Mm-hmm. Mais même à ça, Bishop, au final, n'ont pas eu une meilleure saison que s'ils avaient joué avec le RSEQ. Donc... quelque peu ironique à ce niveau. Ouais. Donc, finale de la Coupe Dunsmore, c'est cette fin de semaine. C'est Laval qui recevra au stade TELUS les Carabins de Montréal. Sur le coup de 14h, le match aura lieu samedi 11 novembre. Donc, le jour du souvenir, on va se souvenir que Montréal va s'incliner contre Laval. C'est ce qui est réservé. Ouais. T'as pas ton petit papy, rouge, là, comment on appelle ça, le coquelicot? Le coquelicot, non. Parce que tu regardes les chaînes de sport, puis ils l'ont tout à la même place, comme si c'était genre le règlement de la place. Tu l'as pas, toi? En fait, j'ai pas trouvé de place sur ce que je voulais. Ouais, moi aussi. Oh. Mais je pense que peut-être dans un Canadian Tire, la plupart du temps, Walmart ou... Ouais. Moi, j'ai pas été à des places qui... Un magasin typiquement canadien. Je sais pas. Ben, Walmart, c'est pas canadien. Ben, Walmart Canada. Moins. Ouais, bon. Partie McDo Canada aussi. Ouais, sûrement. Je sais pas, mais j'en ai pas trouvé, donc j'ai pas le petit coquelicot. Puis de toute façon, ça pique, ça fait mal. C'est vrai. Faut que tu le plantes comme faut. Là. Oui. Oui. Donc, pour continuer sur le football, on se souvient, les Diablos ont quand même connu une très bonne saison. Ils s'étaient qualifiés pour les éliminatoires au cinquième rang. Avec une fiche de 5 victoires, 3 défaites. Mmh. On affrontait lors du match quart de finale le Cégep d'Édouard-Montpetit. Et petit retour dans le passé, Édouard-Montpetit, le 14 octobre dernier, a vaincu les Diablos 55-14. Aïe aïe. C'était pas beau comme match. C'était difficile à voir. Donc, prise 2, c'était le match de quart de finale. Et bien cette fois, c'était plus serré. Au moins. Le Cégep Édouard-Montpetit a vaincu les Diablos 31-16. Donc, on est un peu plus compétitif que la dernière fois du côté des Diablos. Malheureusement, la saison est terminée. Mais bon, c'est le sport. C'est un match football. Un match est terminé. Tout change avec juste un match. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça joue sur un match. Donc, une équipe qui est négligée peut aller faire une surprise sur un match. Ouais. Mais dans... C'est en temps normal, c'est la logique qui est respectée. Donc, des victoires du cégep. John Abbott contre Sherbrooke, 48-7. Lionel Groulx, 23-20 contre l'Outaouais. Édouard Monpetit, 31-16 contre Trois-Rivières. C'est donc dire que les demi-finales qui auront lieu ce samedi, c'est Valleyfield qui recevra Édouard Monpetit, John Abbott qui recevra Lionel Groulx. Les gagnants de ces matchs-là auront rendez-vous en finale vendredi 17 novembre prochain au complexe sportif Claude Robillard. On en reparlera la semaine prochaine sûrement. Oui, bien sûr, parce que, bon, ça fait partie du mandat. C'est ça. Donc, le football collégial et universitaire qui tire à sa fin. Du côté universitaire, il reste la Coupe Dunsmore. Mm-hmm. Par la suite, c'est la Coupe Mitchell, où le Canada affronte, le Québec, pardon, affrontera l'Ouest canadien. Bon, les représentants de l'Ouest canadien, qui risquent d'être les Dinos. Dinos juste... comme les dinosaures? Oui, les Dinos de Calgary. C'est cool comme nom, ça? C'est pas pire. Ouais. Et le gagnant de la Coupe Mitchell va affronter le gagnant de la Coupe UTEC. À la Coupe Vanier dans trois semaines. Donc, le football qui tire à sa fin, autant du côté de la CFL, bon, dans le fond, football canadien, point à la ligne, tire à sa fin, ça achève. Donc, ouais. J'ai bien hâte de voir ça, les Dinos, justement, qui sont encore en liste. 39-22, leur victoire contre l'Alberta. Mmh. Si on continue maintenant au volleyball universitaire féminin, c'est le début de la saison des Patriotes cette fin de semaine au Caps. Ah. D'ailleurs, c'est un peu le but du tournoi sportif UQTR qui aura lieu cette semaine. Okay. C'est de créer une certaine excitation pour ces matchs-là parce que le tournoi a lieu au Caps cette fin de semaine. Vendredi, facile d'accès, là, c'est de chaque côté. C'est ça, c'est vendredi et samedi. Donc, la façon que fonctionne le tournoi sportif de l'UQTR qui est organisé, qui commence aujourd'hui à 1h. Les matchs auront lieu au Caps. C'est du hockey cosum. Demain, c'est du kinball. Jeudi, c'est du bubble soccer et vendredi, c'est du volleyball. Alors, on fait ce tournoi-là et ça se termine vendredi avec un tournoi de volleyball qui aura lieu de 3 à 5 heures et on amène tout le monde au CAPS pour un 5 à 7 pour un peu inciter le monde à rester pour encourager nos Patriotes qui vont débuter leur saison cette fin de semaine. Ouais, créer un engouement un petit peu. Exactement. Et les Patriotes qui... L'année dernière, n'ont pas perdu un match, je le rappelle. Oh, wow. Ouais, c'est vrai. Une fiche parfaite de 12 victoires, aucune défaite. Il y a le seul petit bémol sur la saison qu'ils ont eu. Ils ont perdu un seul set dans toute la saison. Ils ont perdu un seul set. C'est contre Rimouski au retour de la saison. C'est tout ce qu'on peut noter de noir, en fait, cette saison. Presque parfait. Presque parfait. Donc, les Patriotes qui ont l'espère, j'ai pas vraiment conscience de l'équipe qu'ils ont montée cette année. Donc, j'aimerais être plus précis, mais je ne peux pas. Malheureusement, je sais pas. En fait, leur site web n'est même pas à jour sur cette année, il me semble. Ouais. Mais je sais pas c'est qui les joueurs, quels joueurs qu'ils ont perdu. Est-ce que c'est une équipe qui a continué à grandir? Donc, petite lacune là-dessus. Hein? Ben, en fait, le RSEQ. Leur site est vraiment jamais à jour. Donc, c'est un petit peu plus pénible de travailler avec ça. Mais j'ai bien hâte de voir les grandes rivales des Patriotes risquent peut-être encore une fois l'UQAC. L'équipe qui a gagné le championnat avant les Patriotes, donc il y a 2 ans. Ils avaient battu d'ailleurs les Patriotes en finale. J'ai bien hâte de voir. La saison commence cette fin de semaine. Premier match, vendredi 19h face à Luco. Luco qui a aucune victoire en 3 matchs. Parce que oui, la saison a déjà débuté. Uh-huh. Il y a 5 équipes en fait dans la Ligue. Et sur ces 5 équipes-là, il y a toujours une équipe qui saute son tour à chaque tournoi. Il y a 4 équipes par tournoi. Donc le premier tournoi a eu lieu à l'UQAC le 27 octobre dernier. Donc, l'UQAC qui est 3 victoires, aucune défaite. Mais 3 victoires quand même assez difficiles. Des victoires de 3-2 contre Rimouski, 3-1 contre l'ETS et 3-2 contre Luco. Donc, peut-être qu'on va avoir une saison plus serrée que les saisons précédentes. J'ai bien hâte de voir ce qu'il y en est avec les Patriotes. Mm-hmm, très cool. T'as parlé tantôt du tournoi de sport intersport, UQTR, truc. Là. Oui. T'as mentionné le bubble soccer. Oui. On était plutôt bubble tea, c'est bien la mode. Mais j'imagine que c'est pas ça. Non, pas du tout. C'est quoi du bubble soccer? Ben en fait c'est comme du soccer. En fait, déjà je pense qu'on avait une petite idée là, ouais. Mais, oui. Mais ça brosse pas mal plus. Tous les joueurs, il y a 5 joueurs sur le terrain en fait dans le gymnase qui sont dans une bulle. dans une grosse bulle qui... Les grosses bulles qu'on voit souvent des vallées des montagnes ou des trucs comme ça, là, ouais. Dans, c'est, les... ouais, dans ouais. ce genre-là. Dans les vidéos YouTube. Et bon, le monde joue et ces bulles-là ont la particularité d'être très rebondissantes. Pour vrai, ok, donc, cool. Au début du... En fait, sur l'engagement du jeu, au début du jeu, les deux équipes sont chacun de leur côté. Il y a un ballon au centre et les deux équipes foncent. C'est malade. Boum! Au centre, il y a comme une confrontation et... C'est comme du pinball, soccer, quelque chose. C'est comme un paquet de choses en même temps. C'est assez drôle, sérieusement. Ah, c'est oui. plaisant à regarder, c'est plaisant à jouer. C'est très épuisant, par contre, ah. pour l'avoir déjà fait. 5 minutes et on a la patate qui... pour vrai, c'est assez épuisant, mais ça vaut la peine, c'est le ouais. fun. Malheureusement, là, les inscriptions sont terminées, bon. Donc on verra bien. Mais pour ceux qui vont participer, vous allez avoir du fun, c'est sûr. C'est et sûr. Ceux qui veulent voir le bubble soccer et ça leur tente pas trop de se mouiller, allez-y voir ça, ça vaut la peine. C'est vraiment plaisant à regarder. Ça doit. Et ça fait pas mal. Ben non, ben t'es dans une bulle. Mais c'est ça, mais tu revois, mais... En fait, les plus grosses écorchures que tu peux peut-être avoir, c'est aux genoux parce que, bon, t'es à le terre. Plastique tu, frotte. T'sais, tu te relèves, mais à l'exception de ça, il y a pas vraiment de danger. Il y a pas de commotion cérébrale parce que la tête a pas beaucoup j'avoue. De mouvement avec la bulle. Là. Assez rapidement, t'as la tête qui est sur la bulle. Puis, tu sais, c'est quelque chose de mou, donc ça cogne pas nécessairement. Ouais. Donc, il y a pas vraiment de danger par rapport... à cette bulle-là. Et peut-être juste la désinfection de la bulle. Je pourrais pas être microbe. Ah oui, c'est ça. T'as parlé aussi de Kinball, c'est ça, le Kinball qu'on connaît là, des cours d'éducation physique. Oui, là, le gros ballon. Là. Ouais, exactement. Rose. Omnikin Rose. Ben, je sais pas les couleurs qu'ils vont avoir, mais c'est ça, c'est le Kinball. C'est malade. C'est un jeu c'est qu'on joue. Cool. Oui. Vraiment. Ben, en fait, c'est une très très bonne idée, le tournoi sportif ben qu'ils oui. ont eu. Ça va encourager le monde peut-être à s'intéresser un petit peu plus aux Patriots, justement, parce que c'est ça le but, c'est d'amener ça au tournoi au Caps. Il y a les Patriots hockey qui jouent aussi, qui ont une bonne saison depuis le début. On va revenir, je vais revenir là-dessus dans quelques minutes. Juste avant, je vais parler un petit peu de rugby, mais oui, le tournoi, ça vaut la peine. Je pense que pour ceux qui voulaient pas nécessairement participer, mais peuvent y aller. Aujourd'hui, c'est à 13h au gymnase 6 du Caps. Demain, 13h, gymnase 7 du Caps. Jeudi, c'est à 13h aussi au gymnase 6 du Caps et ça se termine vendredi 15h au okay. gymnase 6. Donc, on retient 13h aujourd'hui, demain, après-demain. Oui, exact. Et puis, rendez-vous là-bas, puis le gymnase, le numéro, retenez-le pas. Allez-y. Ben, c'est le 6, donc pour ceux qui sont pas trop à l'aise avec le Caps, quand vous rentrez, il y a les vestiaires des hommes, vous continuez, vous tournez à gauche et c'est vraiment au bout. Là. C'est les gymnases les plus loin que vous pouvez trouver. Ou demandez-le à l'accueil. Hein? Ou demandez-le à l'accueil. C'est ça. Avant d'aller au hockey, je voulais parler un petit peu de rugby parce ouais. que c'était la finale de rugby qui à Ottawa au terrain Matt Anthony qui s'est joué dans la neige. Ah hein, bon vrai? Oh, oui. Oui, j'ai vu ça. Des vidéos, c'était assez spécial à voir. Mm-hmm. Ça a eu lieu à la fin octobre, tu sais. Ouais. La neige à la fin octobre. Les représentantes du Rouge et Or affrontaient les GGs d'Ottawa. Mm-hmm. Et bon, le Rouge et Or s'est incliné 25-7. Juste mentionner que Ottawa joue dans la division québécoise ainsi que Carleton. Les Patriots n'ont malheureusement pas d'équipe au rugby féminin universitaire. On n'a pas beaucoup d'équipes quand on y pense, les Patriots. On mm-hmm. a quelques-unes. Bon, le hockey, ça coûte quand même très très cher à faire rouler. On voulait ramener une équipe de football. C'est une équipe de basketball féminin qu'on allait amener, mais on n'a peut-être pas nécessairement aussi les installations pour mm-hmm. accueillir autant d'équipes. On n'a pas des gymnases qui nous permettent aussi d'avoir beaucoup de spectateurs. Faudrait peut-être faire un réaménagement si on voudrait plus ouais. d'équipes athlétiques. C'est beaucoup d'investissement. Exactement. Bon, pour terminer sur les résultats sportifs, on va parler du hockey masculin. On va garder le meilleur ah pour la fin. Hein. Les Patriots de l'UQTR qui jouaient deux matchs cette fin de semaine. Non, d'abord, le premier match, c'était vendredi dernier contre l'Université Queens. Samedi aussi, ils jouaient contre Queens. Les Patriots qui ont séparé les matchs, ils ont une victoire et une défaite. La défaite est venue en prolongation. Donc, vendredi, victoire de 6-3 des Patriots qui continuaient sur une belle séquence. Les Patriots qui en étaient à ce moment-là à 7 victoires consécutives. Les... Patriots qui ont très très bien joué, victoire de 6-3, donc on a quand même dominé ce match-là. Et dans le deuxième match, un match un peu plus serré, 2-1 la défaite en prolongation, mais ce qui est à noter surtout, c'est que les Patriots n'ont pas su profiter de leurs avantages numériques, aucun but en 7 avantages numériques. C'est peut-être là le tournant du match, on avait réussi à profiter un petit peu de nos avantages numériques, peut-être que le match aurait été différent et les Patriots auraient été capables de s'enfuir avec une victoire. Ce qui n'a malheureusement pas été le cas. Ben non. Mais on peut pas toutes les gagner, hein, c'est, ben, c'est le sport. Malheureusement. Clairement pas. Et les Patriots qui ont quand même un très très bon début de saison. 7 victoires, une défaite et une défaite en prolongation, ce qui leur donne un total de 15 points. C'est un point de moins derrière les Redmen de McGill, mais les McGill, les Redmen, pardon, ont joué un match de plus. Donc ça reste à voir. Prochain match des Patriots cette fin de semaine, c'est au Constantine Arena de Kingston. Les Patriots affronteront les Paladins du RMC. RMC qui est le Collège Royal Militaire. Oui, canadien. Oui, exactement. Donc, je dirais pas que c'est des matchs faciles. Il n'y a pas de match facile dans cette ligue-là, mais RMC est une équipe qui est peut-être un peu moins puissante que Queens qu'on a affronté cette fin de semaine. D'ailleurs, ils n'ont toujours pas de victoire en 9 matchs, 7 saisons. Voilà, donc ça, c'est le tour des sports. Oui. Ce qui veut dire qu'on passe à notre segment récurrent sur les Jeux olympiques. Oh que oui. Oh que oui. Donc, on se souvient que j'ai parlé déjà du ski de fond. Oui. J'ai parlé du biathlon. Qui est un mélange de ski de fond. Et de gun. T'as un problème avec... Je trouve ça vraiment weird comme sport. Ben, en fait, non, ça demande... En fait, oui, mais... Ça demande la dextérité. Ouais. C'est que ça te force à être capable de contrôler ton rythme cardiaque. Pour pouvoir viser une cible, c'est comme un chasseur dans le temps. Ouais. Les chasseurs qui partaient dans le bois avec un fusil pour chasser l'orignal ou peu importe, ben ils faisaient du ski sur un certain nombre de kilomètres. Après ça, il fallait qu'ils s'arrêtent, visent. Donc, c'est un peu un rappel à des vies. C'est sûr. C'est ça, mais comme Jerry Seinfeld dit dans son stand-up à un moment donné, après ça va être quoi? Ça va être genre de la nage d'étranglement. Tu sors de la piscine, t'étrangles quelqu'un. Couteau! Non? Non. Ouais, non. C'est Jerry Seinfeld, il a le droit. Ouais, mais c'est pas vraiment la même chose, là. Non, non, c'est vraiment... c'est pour ça que c'est des sports c'est qui sont... C'est ton gag. Ton gag était mauvais. C'est pas le mien, c'est Jerry Seinfeld. Tu as très mal fait. Ah, ouais. Donc, aujourd'hui, on va rester dans le ski. On va parler de ski alpin. Et c'est un sport qui demande des couilles, pour vrai, là. Oh, wow, wow, wow, il y a du féminin là-dedans aussi. Là. Ben, des couilles féminines aussi. Okay. Donc, tu sais... Je sais que Tania, tu te connais beaucoup en sport automobile. Ouais. Et bon, t'es d'accord que pour aller piloter une Formule 1, ça te prend quand même des pas pires balls. Là. Ouais. Mais je pense que le ski, ça en prend encore plus parce que t'as pas la protection du châssis, tu sais, si t'as un accident. Là. Puis la piste de ski, souvent, est très, très abrupte. On la gèle, donc on met de l'eau avant l'épreuve pour qu'elle soit complètement gelée. Et les gars, ils se pitchent à 100, 110, 120. Non, on parle pas de ski de bus, là. Non, on parle de ski alpin, okay, là. 120-130 km/h sur une piste complètement gelée où la moindre petite erreur peut être pas fatale, mais vraiment dangereuse. On a vu des gars prendre des débarques monumentales à travers le temps. C'est complètement dangereux et ces gars-là sont complètement fous. Mais ça reste un des sports les plus impressionnants. C'est la distance... De temps, la différence de temps entre le gagnant et souvent la 15e, 20e position, c'est des centièmes. Là, on parle de peut-être 2, 3 dixièmes au plus. Et c'est des pistes qui prennent quand même pratiquement 2 minutes à descendre. Donc, c'est assez impressionnant de voir ces hommes-là aller. Il y a plusieurs compétitions. La compétition la plus prestigieuse, je vais le dire comme ça, c'est la descente. Ouais. La descente, que là, ils partent vraiment du haut de la montagne, le plus haut possible. Et c'est... Ils fly. Ouais, ils descendent. Ça le dit, c'est la descente. Cette épreuve-là, en fait, ils ont des portes, mais les portes sont placées pour que juste un peu optimiser la piste. Là. C'est pas comme le Super G ou d'autres épreuves. C'est pas des portes placées à des endroits où c'est difficile d'atteindre. Là. C'est des endroits faciles pour suivre la piste. C'est ça. Habituellement, c'est des endroits assez faciles. C'est juste suivre la piste. C'est sûr, si on manque une porte, on est disqualifié. Okay, on perd la course. Il y a plusieurs sauts, donc c'est assez difficile. Mais il y a aussi d'autres épreuves comme le Super G, Super Géant, qui est une piste un petit peu plus basse, qui a un peu plus de mouvement. Il y a le slalom géant aussi. Que ça, c'est vraiment les portes sont placées en alternance, donc faut que... Mais difficile, celle-là, faut que tu fasses des twists spéciales. C'est ça. En fait, la vraie difficulté dans cette course-là, c'est de perdre le moins de temps possible dans tes virages. Ouais. Parce que, bon, en descente, oui, il y a de l'optimisation, faut qu'on aille chercher plus de vitesse, alors que dans le slalom géant, le but, c'est vraiment d'optimiser les mouvements pour perdre le moins de vitesse possible. La dextérité physique, presque. C'est ça. Il y a aussi le slalom. Ça, c'est vraiment, avec les petits bâtons, là, on les voit, les pistes sont très, très petites. C'est vraiment des mouvements secs, des mouvements courts. C'est une piste très technique, c'est très intéressant à regarder. Peut-être un peu moins spectaculaire, là, si on compare à la descente, mais c'est quand même très intéressant. Et par le passé, c'est plus une épreuve olympique, mais par le passé, il y avait le ski de vitesse. Oui. En fait, là, il était blindé comme des tanks, là, les gars qui descendaient ça. Le but, c'est une ligne droite, juste une descente, et c'est d'aller chercher le plus de vitesse possible, complètement malade. Il allait chercher des 200-250 km/h, wow, même plus. Ça allait assez vite. Peut-être, Tanev, tu peux confirmer la vitesse. Je ne sais pas vraiment la vitesse, mais je cherche que le Canadien qui l'avait fait, qui anime maintenant, comment c'est fait. Marc en... C'est ça? Ouais, c'est ça. Ne reste que... Je cherche, Mathieu. C'est très, très impressionnant, cette vitesse-là. Et donc, et bien sûr, la dernière épreuve, c'est le combiné. Donc, on combine plusieurs épreuves et c'est le temps qui est combiné. Jean-Luc Brassard, voilà. Jean-Luc Brassard a fait du ski de vitesse. Si je me souviens bien, ouais, au début, il avait fait du ski de vitesse. C'est un gars assez impressionnant aussi. Mm-hmm. Wow! Donc, juste pour terminer sur le ski alpin, on a quand même un espoir de médaille avec Éric Gay, qui a été champion du monde deux fois, si je ne m'abuse. Donc, c'est un espoir de médaille très important pour le Canada. N'a malheureusement jamais remporté de médaille olympique. Surtout sur une course, des fois, c'est assez difficile, là. C'est pas comme, par exemple, en Formule 1, sur des qualifications où ils ont plusieurs tours pour s'essayer. Là, mm-hmm, t'as une descente. Tu rates ta descente, c'est terminé. Ouais. Mais dans l'histoire du ski alpin, il y a eu des moments où on a vu des chutes monumentales trois jours avant la descente. Et le gars se relève et retourne sur la piste. Ouf. Et descend, gagne la médaille d'or. C'est arrivé à Nagano. C'est... waouh. C'est pour ça que tu regardes les Olympiques. Oui, c'est pour, ouais, des moments comme ça. Mais c'est comment le gars qui vient de prendre toute une débarque est capable mentalement de remonter en haut de la piste puis faire la descente. C'est des gars qui sont très très forts mentalement. Et en fait, le sport, ça joue beaucoup dans la tête. Le, ouais, plus vite qui a été fait en ski de vitesse, c'est en 1992, la fois où que le sport avait été en démonstration aux Olympiques, mm-hmm, et la vitesse de pointe avait été de 229,299 km/h. Tu t'imagines-tu, là? Tu, ouais, descends comme ça. T'es pas comme dans une voiture de NASCAR ou de Formule 1 où c'est que t'as l'habitacle qui peut te protéger un minimum. C'est facile. Tu sais, tu te plantes, c'est terminé, là. Ouais. Merci beaucoup, Marc-Olivier Dubois. Ça me fait plaisir. On fait notre chronique sport et filoché la semaine prochaine. Toujours les mardis, on fait l'émission à 9h30. Nous, c'est tout pour aujourd'hui. On remercie bien sûr nos chroniqueurs de l'émission de ce matin. Donc, Dominique Notte-Mavungu pour Voix l'Afrique et Marc-Olivier Dubois pour sport et filoché. Demain à l'émission, Sébastien Viertin va clore début d'émission. Talia l'attendait depuis longtemps. Elle, oui, demande tout le temps, ce matin. Ben, je me demande tout le temps quand est-ce qu'il va nous parler de politique municipale. Fait que j'imagine que c'est demain matin. Demain à 7h. Ensuite, à 8h, Alex Marchand et sa chronique, je dirais, dans sa tête. Ça s'appelle Dans ma tête avec Alex Marchand. Qui parle de ce qu'il a envie, d'alcool, des fois, de sortie plein air. À 8h30, David Ferron avec la chronique du Zone Campus. Et puis finalement, à 9h, Gabriel Béhoun ne sera pas là, malheureusement, pour sa chronique dans les coulisses de la lutte. Mais c'est pas grave, on va avoir plein d'autres choses. Restez là à midi. Je vais être là pour les premières assez fous. Ensuite, à 13h, Rock de Neurone. Puis C'est dans ta face, les pas sortables. Réanimation à 19h, Matière noire à 21h. Passez une superbe journée. Merci, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu. À demain. Bon café, tout le monde. Bien. Plus d'informations, visitez cifou.ca.